Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Fun fact, tout ce qui est pas à André ici ne se plug pas USB. On pourrait faire longtemps des jokes avec ça. Mardi le 5 août, il fait présentement 22 degrés dehors et le ciel nous présente... Le ciel nous présente en sang, calvasse-tu? Ouais, pas mal. On n'a pas dit qu'on s'en calisse. On est en dedans, fait que... Vous écoutez le Geek Collectif épisode 46, le AMA numéro 3, Ask Me Anything. Or Ask Us Anything. Ask Us Anything. Écoute, Monsieur Fred Barbouski, c'est Ask Me Anything parce que nous sommes le collectif. Ah. C'était-tu une des questions qu'il fallait remettre dans le chapeau, ça? Non, je voulais juste parler de Fred, de pas de problème, qui est un chic type, qui peut profiter de ses vacances maintenant que ses 42 millions de projets sont terminés. Ouais. Ce gars-là, il a du cœur au ventre, honnêtement, parce qu'il en fait du stock. Il va pouvoir rattraper la lutte qu'il n'a pas écoutée. Effectivement, toute la lutte qu'il n'a pas écoutée, toutes les, peu importe, plein d'affaires qu'il a sûrement pas pu faire, là. Mais parlant d'affaires qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a pu faire, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous autres, les boys? Il me semble, ça fait un petit bout qu'on n'était pas une équipe complète. Ouais, il manquait Milton. C'est vrai. Ça veut dire que tu commences. C'est où que j'étais, donc, moi? T'étais au Festival Nuit d'Afrique, Parce que je trippe sur la musique africaine. Tout le monde le sait. Donc, il y avait un festival de musique de ça. Fait que je suis allé. Puis, c'est ça, c'était le fun. C'est petite anecdote, je pense que je l'ai conté à vous autres, mais je vais la dire aux auditeurs. J'entends du monde, moi j'adore ça, écouter les conversations. Boing, Carl! Boing, Carl! Mais tu sais, quand t'es là, puis t'entends du monde parler, puis t'écoutes qu'est-ce qu'ils disent. Puis eux autres, ils pensent que t'écoutes le show, mais dans le fond, t'écoutes qu'est-ce qu'eux autres ils disent. Puis là, t'as du monde qui sont au Festival des Nuits d'Afrique. Puis ils regardent genre des disques ou des groupes de musique ou quelque chose. Puis là, ils ont des discussions parce qu'ils sont avec leur conjoint ou amis ou quelque chose. Puis ils sortent des affaires genre moi, j'aime pas vraiment ça, la musique haïtienne. J'aime mieux la vraie musique africaine. T'sais. Ou j'aime pas la musique. C'était quoi qui m'avait sorti la personne que j'avais entendue? Du Congo. J'aime pas ça. Moi, je veux de la vraie musique africaine. Mais c'est dans des moments c'est pas en Afrique, ben, c'est ça. C'est là pas mal que je me dans dis, le milieu l'Afrique, aussi, hein. c'est un continent. Puis le Congo ou l'Haïti, tu sais, c'est un pays dans l'Afrique. L'Haïti est en Afrique? Me semble, c'est ça? Ou je suis fourré? Ou... Envoyez-nous ça sur Twitter. Ouais, checkez ça. Mais en tout cas, tu sais, ils parlaient tout. Moi, je veux de la musique africaine, mais c'est comme t'es en train de me nommer des pays qui sont dans le continent de l'Afrique. Fait qu'on sait plus de quoi tu parles, mais en tout cas, ça, gars, ça c'est un débat pour les mélomanes de musique africaine et musique du monde. Là. Ou le monde qui veut se la péter pendant un festival. Aussi, qui s'y informe-toi avant d'y aller, ça c'est plus facile de péter. C'est les mêmes personnes qui regardent sur le stage, sont comme « qu'est-ce qu'un arabe fait ici? » Genre, ouais, parce que exactement. L'arabe ne fait pas partie du L'Algérie monde. N'est pas dans le continent de l'Afrique, d'après eux. Donc, le Maroc non plus, c'est je pense. Ça. Fait que c'est assez drôle d'entendre certaines discussions. On mais fait pitié par bout. Faut se rendre compte aussi que quand tu passes un certain temps-là, que la plupart du monde qui sont là, c'est l'overflow du festival Juste pour rire qui se passe en même temps et juste à côté, et que plusieurs personnes confuses, sous le choc de tout l'humour qu'ils viennent de vivre dans les rues, probablement, ils se disent « Ah, il y a de la musique là-bas. On va-tu voir c'est quoi? » Pensant à être encore dans le festival Juste pour rire, se rendre juste à l'autre spot gazonné à côté et voir un show de tam-tam. Fait qu'eux autres, ils savent même pas qu'ils sont aux Nuits d'Afrique. T'sais. Fait que dans le fond, t'es en train de dire que le Festival des Nuits d'Afrique, c'est le Mont-Royal du Festival Juste pour rire. Un peu, ouais. Sans le pique-nique électronique. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour des cours de capoeira le matin, pareil, là, pour les vrais fans, là, comme attends, moi. Attends, il y a là. Des cours de capoeira le matin? Oh, hey, le matin, là, 11h30. Capoeira, c'est pas ceux de l'Afrique, ça? C'est ceux de l'Amérique? Ils donnent des cours de ça, pareil. Gratuit, en plus. Fait que tu peux aller là, puis il y a des jours qu'il y a des cours de des sessions de cours de tam-tam, genre là, tu sais, pour savoir qu'est-ce que tu fais, et non justement aller juste au tam-tam le dimanche puis bûcher comme un débile sur le speed. Je pense la seule et dernière fois que j'ai joué du tam-tam, je pense que c'était une Saint-Jean en 2004 sur l'île du Moulin à Terrebonne, puis ça a fini qu'on était 4-5 chums avec des tam-tam après le show. Puis fouille-moi pourquoi on a attiré comme une crowd d'une couple de... Il y a peut-être une centaine de personnes. Oh, j'en doute même pas. Trippé en train d'être gelé ben raide. Puis l'île des Moulins est réputée pour ça. C'est à côté de chez nous. Ben tu vois, regarde. J'ai grandi là, tu sais. C'est... Avec ton tam-tam. ben oui, c'est sûr. Je suis curieux. Un tam-tam USB. Parce que je pense, puis je sais pas si c'est raciste, qu'est-ce que je vais dire. Je pense pas. Mais y a-tu des fois aux soirées de Nuit Afrique, le dude blanc, comme... Quand t'as le doute blanc jamaïque, genre, mais comme le doute blanc qui est habillé, genre, avec comme une chemise daishiki, là. Ah, il en a plein, hein. Ah ouais, ah ouais, avec le chapeau, là. J'ai vu un doute blanc avec une grosse casquette marquée Jamaican dessus. Le die and word de la place. Ouais, ouais, c'était. Non, mais c'était. De pas Jamaican, African, excuse. Jamaican, c'est même pas à mes places. Mais peut-être que t'es sud-africain. Oh, je sais pas. En tout cas, il était très, très bien. Admettons là, qu'on wrap up le sujet. Ouais, des en gros, allez-y juste si vous êtes des malades de ça. Là, allez pas là pour le fun. Là. Parce qu'il y en a pas. Si t'es pas. C'est chiant à dire, là, mais si t'es pas un débile de musique africaine, là, va pas là. Fais le tour, quelque chose. Va ailleurs. Pose-toi de la ville. C'est la pire place si tu veux pas être. Mais c'est ça. En gros, moi, j'étais là pareil. Mais c'était pas ça, mon sujet. Dans le fond, ça, ben, c'était juste ça. L'excuse c'est quoi, de pourquoi. C'est ça, c'était juste pourquoi que j'étais absent au dernier épisode que j'ai été remplacé par la merveilleuse Clémentine. Donc, en tout cas, mon sujet, c'est le Paul Roding. Phénomène Internet. Le Paul Roding. Ben, plusieurs membres de la communauté active d'Internet ont probablement remarqué qu'il y a eu un événement la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines, si on calcule le temps de diffusion de l'épisode, puis si tu l'écoutes dans 1 an, parce que tu viens de nous découvrir, l'année dernière, Paul Hood a décidé de... Mais c'était pas l'année dernière, c'est comme non, la semaine passée. Si t'es l'année prochaine quand t'écoutes le podcast, c'est il y a 1 an. Gars, je vais t'écouter ça plus. Ça sent bien compliqué, là, Eric. Là. Moi, je pense qu'on devrait revenir à Paul Hood. OK, Paul Hood. Paul Hood, être spécial... Magnifique personne, mais spécial et particulier, a décidé, pour son, probablement je peux dire, plaisir, ou pour son... Il y a des plaisirs fuckés, le gars, fait qu'on va le dire en partant, là, c'est sûrement pour son plaisir. Il est en vacances avant TVA Sport et le hockey. En plus, là, mais de revivre la gang de une flight de Malaysia Airlines ou je sais pas quoi. MH-117. Ben pas la gang disparue là qui ont pas retrouvé l'avion. Ceux que l'avion se sont fait exploser par des terroristes russes, genre je sais même pas. C'est là. En Ukraine apparemment. C'est la même affaire ça, ukrainien russe me semble, non? boy. Notre cloud vient de manger de claque. Ils ont des accents pareils. Mais c'est le MH-17 là ouais qui a mangé. En tout cas, ouais. C'est cette gang là qui a sauté. Par des genre. Russes, André. Mais oui. Par des Russes, ouais. Pas des Ukrainiens, là. Pas pareil. Des pro-russes ukrainiens. Mais... Paul-Houd, bâtard! Paul-Houd. Mais Paul-Houd a décidé de reprendre le même genre de trajet qu'eux autres ils ont pris, dans le fond, pour revivre ce qu'ils ont vécu, supposément, ou je sais pas comment dire ça. Ce que, d'après moi, en partant, et pas juste d'après moi, d'après la communauté Internet, d'après ce qui en est suivi, c'est ridicule. Parce que premièrement, d'après moi, pour revivre ce qu'ils ont vécu, faudrait que tu sois assis bien relax dans ton banc d'avion en train d'écouter un film ou lire un livre, puis out of nowhere, qu'il y a un missile qui t'explose, puis que tu peut-être meurs sur le coup ou tombes à ta mort. Supposé ou missile. Peu importe, c'est quoi, là? Tu sais, ça, c'est revivre qu'est-ce qu'ils ont vécu. Juste passer au-dessus de ce qu'ils ont fait... Puis même pas par-dessus, hein, parce que l'avion est dérouté. En tout cas, là, faire le trajet, le même vol, pour dire que t'as revécu ça. Il allait même pas là-bas, là. Je sais même pas où que ça l'atterrissait, là, Amsterdam ou je sais pas quoi, là. Mais fait que dans le fond, il a fait de quoi de cave, mais là, c'est pas le polo-ding, mais exactement. Mais juste pour rester sur le bout de cave, deux secondes, je pense même pas que c'est cave. C'est juste inutile. Tu sais, c'est... Je catch même pas c'est quoi, mais ça, c'est pas lourd. Puis, sur le coup, Maître Franklin, moi, j'avais laissé ça de même. J'ai fait, non, c'est pas lourd. Tu sais, le gars qui connaît toutes les stats, le gars qui connaît absolument tous les faits inutiles de la vie, genre, le gars qui doit lire des encyclopédies de faits divers. Mais là, après le planking, après le howling, après plein d'autres affaires de même, le Paul Hooding est apparu. Ou le pudding. Ou le pudding. Ou même hashtag stunt Paul Hood. Il y a eu... Non, mais ça n'était un gros, là. Allez sur Twitter, puis marquez... Searchez le hashtag stunt Paul Hood ou Paul Hooding. Puis toutes les statuts de tout le monde qui se résument, dans le fond, à des jokes de revivre une situation. Fait qu'il y a eu du monde que c'était... J'ai repris le métro dans telle et telle station pour revivre le drame de tous ceux qui sont pognés dans le trafic de métro de trop de monde à tous les jours. L'autre, c'est j'ai pris mon char de telle place à telle place pour revivre la personne qui a eu un accident à telle place. Puis il y a eu aussi des affaires plus joke, là, vraiment, qui n'avaient plus aucun sens. Là, de André il a fait une coupe là, quand j'ai échappé sa TV dans les marches dans son déménagement, la raison qu'il n'y a plus de TV. Mais il a dit je vais pouvoir enfin revivre ce que les gens dans la période du verglas ont vécu et ne pas avoir de TV pendant deux semaines. Hashtag Paul Hooding. Hashtag maudite marge, je peux plus écouter TVA. Aussi, ouais. Mais tu sais, dans le fond, et ne pas voir Paul Hood à la TV. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est tout ça pour dire que c'est une mode de joke, si on peut dire. Un style de joke qui a été inventé. Tu sais, la prémisse de j'ai fait ça pour revivre tel genre de personne, leur situation. C'est devenu une prémisse de joke. Si tu rajoutes hashtag Paul Hooding. C'est un genre de Paul Shaming, ça? oui, moi je trouve. Parce qu'on se fout ouvertement de la gueule de Paul. Le monde, moi je trouve qu'ils ont abusé. Puis pas abusé sur le sens abusé de la personne qui sont allés. Il n'y a personne que j'ai vu qui a été méchant, là, vraiment, avec Paul Hood. Là, vraiment. Écrire maudit épais ou tu sais quelque chose d'un autre côté, rien. Tu peux pas être méchant avec Paul Hood. Non, mais il y a de l'air du gars le plus smart qu'il y a pas au monde, puis drôle à parler. Là. Moi, il me faisait pisser dans mes culottes dans 3600 secondes d'extase. Il arrive chez vous avec un bac de sucre à la crème. Là. Genre, là, tu sais, puis il y a le gros smile fendu jusqu'aux lèvres. Le gars, yeah, c'est ça, tu vas manger ça, moi. Mais en tout cas, tu sais, c'était juste la joke, elle a été étirée. Encore avec l'Internet, là, ça a eu la durée de vie de pas le temps de niaiser, là. Tequila Anakin, pas le temps de niaiser. Après deux jours, là, poste les pulls vidéo, là. Mais après deux jours de remplir Twitter de hashtag Paul Hooding, c'était rendu OK. C'est-tu là, Milter, que tu déclares que le Paul Hooding est fini? Je déclare qu'au moment de l'enregistrement, il est fini d'après moi depuis déjà deux jours. OK. Donc, au moment que ça va sortir, ça va être fini solide. En tabarouette. Mais moi, j'ai une autre question pour toi. Pour les gens qui nous écoutent dans un an, est-ce que c'est le temps de faire un comeback au Paul Hooding? C'est toujours drôle si tu le fais sur un genre de slowpoke meme. Parce que, là, mettons, je te donne une idée. Tu sais, le gars ou la fille il écoute notre podcast dans un an, puis décide de faire une joke, puis repartir le Paul Hooding. Il y a du monde qui. Ça risque d'être tough, d'après moi. Il y a du monde. Il y a des puristes qui vont dire elle est bonne. Mais tu sais, c'est un one time. Tu peux pas le ressortir pour 2-3 jours, là. Tu peux le sortir une fois dans un an, mais faut que tu rajoutes un hashtag de comme joke retard ou slowpoke, là, tu sais. OK. Parce que si tu le sors dans un an de même, le monde va faire comme décrocher de l'intimidation, là. Parce que le monde aime ça, dire ce mot-là sur Internet. Fait que, en gros, c'était ça. Ma vie a été bouleversée par le Paul Hooding. Puis, je sais pas si Eric va en parler. Je pense que oui. Garde-moi mon expérience de Paul Hooding. Non, pas c'était... de Paul Hooding, mais de mon autre petite affaire. Je pense pas, je sais pas. Les deux jeux d'Xbox One. Ah, je vais en parler un peu, là, si tu veux. Ouais, t'en parleras, je vais juste dire mon commentaire. Fait que je vais laisser Rick. Moi, je vous regarde avec des yeux de gars qui sait aucunement qu'est-ce qui se passe présentement. Ben, c'est parce non, que... on le sait qu'est-ce qui se passe, mais je voulais pas embarquer là-dessus parce qu'il en parler. Tout le monde est au courant que moi puis Milter, ben, t'sais, on croit juste une console, la Xbox One. Ouais. C'est vraiment comme la seule console qu'il faut avoir. Toutes les autres consoles, en fait. Est-ce que t'as brûlé ta Wii U et tes autres consoles, t'es mis dans la poubelle, finalement? Oui. Good, il était temps, finalement. Ben, on a reçu des jeux gratuits avec la Xbox Live. Puis, on a reçu deux, ce coup-là, sur Xbox mois, One. Ouais, mais on a reçu deux d'une shot. Puis moi, tout ce que je m'en allais dire, tout ce que j'allais dire là-dessus, c'était que moi, j'ai apprécié le Crimson Dragon. Je l'avais pas acheté quand il est sorti. Mais c'est quoi ces deux jeux-là? Là, tu dis Crimson Dragon. Puis... Crimson Dragon et Strike Suit Zero. Ouais, mais Crimson Dragon, c'est... Tu peux pas appeler le japonais que ça, c'est en fait. Panzer Dragoon. C'est Panzer Dragoon. C'est un nouveau Panzer Dragoon. Prends-le comme suite, tu veux. Carrément, ils le disent en quelque part. Microsoft, je pense, appartient à Panzer en passant. Je pense qu'ils ont acheté à quelque part, mais je sais que c'était à eux autres maintenant. Panzer Dragoon, c'était bon, ça? Ouais, Panzer Dragoon Saga, ça a l'air, c'était la seule affaire qui était bonne de tout. Au Saturn. Au Saturn, ça, c'est la légende. Moi, je les ai toujours aimés. C'est un under-rail shooter, là, je veux dire, dans le temps de Silphie, des affaires comme c'est ça. Encore c'est encore ça. Ouais, mais ton dragon il upgrade, c'est ouais, fun. Il y a du farming, c'est un jeu de farming. C'est pas un, si on parle à les nouveaux jeux next gen de nos jours, c'est pas le jeu le plus next gen graphiquement que tu joues, mais c'est le fun. Puis ton le Strike Suit Zero, ben moi j'ai vraiment aimé ça puis j'aime pour ça en vrai? Ce moment. Mais faut que tu comprennes mon background un peu. J'adore des jeux comme Wing Commander, j'ai adoré ça. C'est pas loin d'être un Wing Commander. J'ai adoré Star Fox, puis je trouve que c'est cheap comparé à Star Fox. Ben, c'est pas la même chose. Ben... C'est aucunement la même chose. C'est un escort, tu te promènes alentour. Il y a des missions d'escort. Ouais, ouais. Mais non, mais il y pas... en a dans GTA de ça aussi. C'est aussi, ça. Hein. Il y a des escorts et des missions d'escort. Mais si t'as un 360, j'ai eu Motocross Madness. Là, qui... Je savais pas que t'allais le mentionner. Ouais, ça. Ben Motocross Madness, j'ai toujours un petit. Moi, Motocross Madness, j'ai joué sur le PC il y a 12 ans. C'était vraiment comme. Mais le remake graphiquement, pour c'était Avatar. Hot. De quoi? Tu peux jouer avec tes avatars. Là, les gars, je vous demanderais d'avoir un peu de structure, s'il vous plaît. C'est dur à suivre. Pour moi, donc j'imagine nos auditeurs. Ton avatar d'Xbox, la motocross. Ok, mais ça, je savais pas. Ouais. Anyways, ça, c'était pas mes nouvelles. Mais Panzer Dragoon, c'est le fun. Tu t'amuses avec ça. C'est quand même cool. Mais c'est pas ça qui donne. Oui. Oui. C'est Crimson Dragon. Ouais, mais ouais, non, c'est Panzer Dragoon. Non, c'est la même affaire. Moi, je voulais dire là-dessus, j'attendais que Rick les mentionne pour dire que les deux jeux, je suis déçu en maudit, c'est plate. C'est le même genre de jeu. Ils ont donné deux jeux que un sci-fi, l'autre t'es sur un dragon, mais les deux, c'est des genres de shooter, de véhicules. Oui, il y en a un qui est sur un rail, l'autre, il est pas sur un rail, mais finalement, celle sur le rail, il est pas mal plus le fun. Les deux, je les trouve plates, mais disons que je m'attache plus à Crimson Dragon, pareil, parce que je le joue un peu plus, parce que c'est du easy farming game, fait que je me tape une petite game en 15 minutes. OK. Puis okay. Tout. Mais je voulais juste dire que je suis déçu, encore une fois, des choix de la Xbox One, des jeux qu'ils ont donné. Fait que, dois-tu t'en remettre, par exemple, pour que tu être correct? Prochains mois sont mieux de faire ses efforts. Sinon, ça, tu brûles tout. Ouais. Tu le lances avec des consoles. Je vais retourner sur mon Game Boy Advance, puis... bon, ben, à part de ça, en parlant de console next-gen que j'adore bien, il y avait un spécial random qui est sorti de nulle part chez Target, là, pas pour name-dropper Target, mais des studios à 10$. Je suis arrivé trop tard. Fin de saison. Mais je sais pas, moi ça m'est sorti de nulle part, j'ai trouvé ça hot. Mais je suis arrivé à la place, puis tout ce qui restait, c'était comme 2-3 jeux de sport. Mais après ça, je trouve, comme gros hasard, Tales of Zillia au PS3. Puis j'ai décidé de m'embarquer dans un Tales comme j'ai pas fait depuis 95? Tales of Vesperia. Non, j'ai fait Tales of Vesperia. J'ai fait Tales of Symphonia, comme ceux-là, je les avais fait. C'est les deux que j'ai fait. Puis j'en ai fait aussi dans le temps du Super Nintendo. Mais le Tales of Zillia, on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Puis quand tu jouais à Vesperia, puis tu jouais à Symphonia, ce qui étaient les deux derniers que j'ai joué, je sais même pas s'il y en avait eu entre-temps avec eux autres après. Là. Mais ces deux-là, tu sais, c'était des jeux... Le PS3 puis le Xbox 360, c'était nouveau dans le temps. Fait que c'était le fun de voir comme, tu sais, il essayait de faire un RPG graphiquement qui sortait de la norme. C'était des combats en 3D, c'était tout ça. Tales of Zillia, par exemple, là, ça n'a aucune prétention. C'est carrément un jeu de Super Nintendo fait de sur un PS3. Puis pour ça, je l'adore. Puis je m'amuse au bout. Je suis rendu peut-être 4 heures dans le jeu. Je pense que je vais persévérer là-dedans. L'histoire est super quétaine. Il y a plein d'invisible walls partout. T'arrives un plus ou un moins? Ben, je sais pas, on dirait... C'est sécurisant, que... Namer, des ouais. fois. Ben, c'est pas, ça. Fait... Non, mais écoute... C'est très JRPG, là, si, tu peux si pas... Peux il y a une map. Là, si je peux me permettre, Eric, excuse-moi, je te coupe la parole, puis je me sens aucunement mal. C'est correct. Mais moi, j'ai remarqué que je souffre, puis je sais pas comment décrire ça, mais c'est comme l'agoraphobie, mais dans le gaming. Je vous donne un exemple. Il y a certains jeux... Puis tu sais, j'ai fait Skyrim, fait que ma théorie, elle vaut pas de la merde. Mais il y a certains jeux que quand je commence à jouer, je fais comme « fuck off, c'est trop big », puis je décroche. Ça m'avait fatigué Final 12 dans le temps, que c'était comme, je lisais, puis là... Je te comprends. T'as oublié un coffre, fait que t'es fait, t'auras jamais le best weapon, fuck that shit, j'arrête de jouer. C'est la raison que je joue pas, j'ai jamais joué à Skyrim, puis ben, que j'ai regardé des gens jouer longtemps, mais j'ai pas joué à cause que je suis « overwhelmed », là. Ben, c'est ça. Fait que des invisible walls, des fois, je trouve ça sécurisant. Ouais. Tu sais, ça fait comme, OK, le jeu, il arrête là. Avec un garde qui te regarde et qui dit authorized personnel only. C'est ça. Tu peux tellement marcher à côté de lui, mais tout d'un coup, il y a un mur invisible qui te fesse. Puis, tu sais, à la limite, c'est comme, OK, c'est cool, ils ont mis un garde, j'ai pas l'air de rentrer. Puis, ton cerveau, il fait du sens. Puis, ça arrête là. Je pense pas. Puis, la manière que dans les tales, c'est quand même structuré. Tu sais, tu peux te perdre facilement. Ouais. Mais, je veux dire, aussitôt que t'es perdu, tu fais juste aller à ton histoire qui est écrite vraiment chapitre par chapitre. Puis tu fais juste aller regarder où est-ce que t'es rendu, puis tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire. Mais tout ça pour dire que je me rappelle comment est-ce que des JRPG c'est le fun, avec les séquences d'animation, tu sais, entre les scènes qui s'ajoutent, les conversations weird avec les têtes qui se parlent, puis que des fois ils bougent, qui représentent un mouvement de personnage, puis... Les animations de 5 minutes que tu te rends compte un peu plus tard que c'était carrément inutile, la discussion. T'en fous, c'était quand même cool de voir. C'était une joke placée pendant 5 minutes. T'es comme, ah! Mais fait, dans le fond, toi, t'es en train de dire que tout le Metal Gear Solid qu'il a fait au PS3, c'était comme toutes les cinématiques. C'était juste André, une man, joke. 2007, c'est l'année du PS3, tu savais pas ça? Ouais, tu parles Metal Gear film, sort. Metal Gear mais Solid. Mais 700$, ça en rappelle encore que c'était l'année du PS3. Tu pouvais contrôler un robot pendant les scènes, des fois? Ça peut pas de ça, t'avais le robot. Les scènes étaient tellement longues. Ouais, mais. Que... Ton pitch que tu me fais là, c'est le même pitch que tu m'avais fait dans le temps quand je t'ai acheté mon lecteur HD DVD pis t'as fait dude, tu peux écouter Tokyo Drift pis changer l'angle de la scène. Ça n'a pas arrivé encore. Ça. Pis j'ai toujours pas pu faire ça avec une crise de film. Mais en autres... fait, c'était même pas l'HD DVD, ça, le changement de scène. Ça, c'est comme ça, ça date back du DVD tout court. Là. Mais still mais waiting. Vous parlez du film de Metal Gear qui est sorti sur la PS3 quand. Au début, là. Ouais, ben le film qui venait avec 15 minutes de jeu. Ok, là. Ok, c'est ça, ok, ouais. Moi ouais. aussi, je l'avais, ce film-là, il était pas si pire. Anyway, c'est le pire Blu-ray ever. Ah, ouais. Tu peux contrôler un robot pendant les scènes dans l'avion, c'était très long. By the way, il y a une cutscene de 25 minutes qui va commencer. Oh, je m'excuse de te faire être obligé de l'écouter, mais prends le robot puis va fouetter du shit. Tu vas rien comprendre l'histoire. Moi, tout ce que je me souviens de ce Blu-ray-là, c'est bon, ben, ah, je vais juste finir le chapitre avant d'aller travailler. Cutscene, ah. Tabarnak de... 1h15 plus tard. 1h15 plus tard. Ouais, finalement, je rentrais pas, mais être malade. mais c'est pas mal ça, là. J'ai pas grand d'autres news que ça. J'ai vu Guardians of the Galaxy. Vous autres, vous l'avez pas vu. Je sais pas quoi dire de vraiment comme... Tout ce que je peux dire, c'est que vous allez voir le film. Si tu tripes n'importe quoi qui est de l'univers de Marvel, tu te rends compte qu'ils ont juste décidé de... On va voir le plein paquet là, de Marvel puis de l'univers de Marvel dans les années à venir. Il manque juste, oh je sais pas, fucking Silver Surfer puis le reste de la gang. Je suis pas sûr, je vais voir le paquet de Marvel. Ben moi j'aime, c'est parce qu'on aime lire les Marvel. Oui. Comme puis en passant là, parenthèse là, puis je call out Mel t'écoutes le podcast naturellement, right? Mel, allô. Mais call it, comme chier sur le fait que c'est pas comme les originales. J'essaie de figurer c'est quel original qu'elle veut savoir. Elle parle juste de l'origine de Star-Lord en plus. Elle parle pas que tout le reste... En passant, l'origine de Star-Lord du film est fucking écœurante. Puis c'est comme combien de fois... Puis je pense qu'on a sûrement touché ce sujet-là dans le passé. Mais dans le monde des comics, surtout dans Marvel, on s'entend-tu que s'ils peuvent changer à chaque fucking 5 ans à tout réécrire les histoires de certains personnages... Les films, peux-tu avoir un petit peu de... Des petits twists différents. Puis... Mais c'est ça, je me disais, là, puis... Est-ce qu'il y a des nains dans Guardians of the Galaxy? Je pense qu'il y en a un. C'est en fait, non, en fait... C'est sûr qu'il y a du nain dans le film, parce que c'est un film avec un sci-fi un peu dedans. Je vais te faire rire encore plus. Peut-être que je me trompe, mais il y a un acteur qui joue un personnage qui joue pour... qui est le genre de... de broker ou le représentant du broker. Puis l'acteur, c'est le même acteur qui joue un des gobelins dans Harry Potter, je pense. Fait que si ça, ça pourrait te conforter un peu. C'est pas un nain, c'est un gobelin. Ben, c'est pas loin de ça. Mais je suis content de voir où ce qui s'en allait avec... tu sais, c'est le fun de voir qu'est-ce qui se passe dans l'univers à l'extérieur, dans Marvel. Ça, j'adore ça. Les Infinity Gauntlet, tout ça, ça arrive dans l'image. C'est une affaire que j'aime de Marvel. Pas de crise de prequel. Ils en ont pas de besoin, là, en ce moment. Ben, oui, mais c'est justement... Oui, mais en fait, le monde n'a pas besoin de prequel. Nope. Parce que... OK, gars, mettons, j'ai besoin de me souvenir de ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai besoin de me souvenir de l'évolution de la race humaine, puis tout le kit. Mais tu sais, j'ai pas besoin de savoir le origin story de telle affaire, puis tout le kit. Puis je pense qu'ils l'ont appris un peu avec Wolverine. Puis, c'est parce qu'ils ont juste les limites d'origin, d'après moi, à pousser. Puis il y en a que l'origin, en quelque part, c'est une grosse histoire en tant que telle. Puis il y en a d'autres, c'est juste comme, hey, je suis né à un extraterrestre, puis sur ma planète, on est tous de même. Hey! Mais ben c'est un peu qu'est-ce que j'ai aimé de Guardians of the Galaxy, c'est qu'il te lance dans le top et tu l'acceptes. Trop, ben c'est comme si dans Star Wars, ils commencent à te faire un film pour savoir pourquoi Greedo il est ce couleur-là puis qu'il a la face de même. Ou qu'il explique la force comme si t'as des petites bactéries qui étaient dans ton sang. Puis mettons, on les appelle les midi-chloriens, là. Exact. Tabarnak. Faut tout qu'il explique pour rien, là, tu sais. Mais comme je l'ai mentionné un peu au début, là, mais qu'est-ce qui me frustre un peu de où ce qui s'en aille dans, parce que là on s'en va dans le sci-fi de Marvel, qu'est-ce qui est le backstory qui a toujours été là puis qui est là en crise, là, c'est qu'il manque des grosses clés à cet univers là. Je suis sûr qu'ils vont trouver des manières de les remplir là, mais enlève Galacticus puis Silver Surfer de ça, Galactus puis Silver Surfer là-dessus, je trouve que ça, il y a un gros morceau qui manque. Puis Ego, il est-tu là-dedans quelque part? Je sais pas si lui est next là-dessus ou... Mais parce qu'après comme Silver Surfer, oui, c'est pas parce qu'il c'est pas à Sony, lui, avec non, Fantastic c'est Fox, Four, en fait. Ou Fox, c'est ça? Fox qui a Fantastic Four. Puis Silver Surfer, parce qu'ils l'ont mis dans le film, fait qu'il doit avoir lui. Anyways, c'est pas mal ça. Je veux pas embarquer dans le... En tout cas, c'était fucking... C'était vraiment bon, Guardians of the Galaxy. Allez le voir. Très drôle. C'est tellement le fun à regarder. C'est Chris Pratt... c'est un superstar maintenant, là, c'est scellé dans l'or, lui. Puis Vin Diesel, ben, il vole le show avec trois mots. Ça, c'est vraiment cool. Ça vaut la peine à voir. Puis à part de ça, j'ai rien d'autre. Un raton laveur avec des guns. Ah, j'ai recommencé à jouer à Defiant. J'ai joué 3 heures hier. Mais je sais juste une chose, c'est très confusing, ce monde-là. Puis j'ai compris comme que là, quand j'ai arrivé, il y avait Season 2 qui commençait, fait qu'il fallait que je me rende à l'autre bout de San Francisco ou quelque chose comme ça pour commencer ma mission. Puis en chemin, il y a tellement de shit qui se passe que tu sais pas si t'arrêtes ou tu continues. Puis là, tu tires, puis là, tu montes tes ego ratings. Je sais pas c'est quoi un fucking level. Je pense que comme faut que j'arrive à level 5000 ou quelque chose comme ça, mais là, je suis juste à 166. Je comprends rien. Y a-t-il un moment où c'est exponentiel, le ego rating? J'aime le segue que tu es en train de me faire. Très subtilement, d'ailleurs, je dois te l'accorder. Mais moi, comme je n'ai pas de console de nouvelle génération future cool, ben, tu sais, moi, je joue sur ma petite machine de PC. Là. Fait que, mais je sais que tu joues. Ces temps-ci, tu sais, ma vie de gaming a été un peu plus plate, tu sais, parce que là, on déménageait, puis là, tu sais, on a bougé les trucs, les choses comme ça. Fait que ces temps-ci, je te dirais plus précisément ce week-end, j'ai été occupé sur 2 jeux. J'ai joué beaucoup à Defiance. Ben, en fait, ça fait longtemps que je joue à Defiance, qui est devenu un jeu gratuit. Donc, les gens, je vous invite d'aller prendre ça. C'est fait par Try and Worlds. Defiance, c'est un jeu de tir à la troisième personne, MMORPG. Donc, voulant dire, c'est un jeu open world qui n'est pas basé en instance à part dans certains donjons. Donc, vous pouvez vous promener. C'est un type free roam. Il y a beaucoup de fusils, il y a beaucoup d'habilités, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont fait la promesse, il y a un an, qu'il y avait une télésérie du même nom de Defiance qui sortait en même temps que le jeu. Puis, la télésérie a un impact sur le jeu et le jeu sur la télésérie. Là, on est dans plein saison 2 qui va terminer sous peu. Puis, moi, j'avais jamais vraiment fini le jeu. J'avais jamais vraiment fait la saison 1. J'avais pas arrêté. Puis finalement, ils ont fait des patchs qui ont réglé un paquet de problèmes du jeu. Ça se joue super bien. On a reparti un clan du collectif. Max Gagnon, Joël, on joue toute la gang là-dedans. Eric, tu viens de réembarquer. Je comprends rien, par exemple. Ça, je le confirme. Là. C'est parce que... J'ai regardé des... Puis je veux pas t'interrompre, là. Mais j'ai regardé des beginner's guide du jeu. Je comprends un peu qu'est-ce qui se passe, mais on dirait comme que j'ai de la misère à accepter que c'est ce que c'est. Ou ce que c'est... Comme l'histoire est là, mais la réalité des choses, là, c'est que tu te promènes dans l'entour, tu sauves du monde, tu montes... C'est que le monde évolue autour. C'est que, contrairement à certains MMORPG où il faut que tu arrives, puis là, tu parles à quelqu'un, puis... Salut, va me tuer 18 morses puis ramène-moi des pots. Puis c'est correct. C'est réconfortant. Puis c'est correct, c'est fois, réconfortant, là. Effectivement. Mais Defiance, parce que tu peux rouler, puis à un moment, il y a des fermiers qui font fuck, on se fait attaquer, aide-nous, on est dans la merde. Puis là, tu commences à les aider, puis il y a soit des zombies, des aliens ou n'importe quoi. Fait que tu sais, le monde évolue autour de le toi. Genre de timed event, là, un peu. Mais ben, c'est ça, puis ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Pis c'est à répétition, là. Tu sauves deux dudes, là. T'as passé 5 minutes à sauver deux dudes, t'es comme, alright, nice. Là, tu commences à marcher de loin. Tu rencontres d'autres choses. Non, mais en fait, les deux dudes de derrière toi sont en train de se faire attaquer encore. C'est comme, ben, we need help again! Fait que, tu sais, c'est un peu hardcore. Il y a beaucoup de trucs qui vont se passer à ce moment-là. Mais le jeu, il est le fun. Moi, mon c'est un bon shooter, hein. Par contre, c'est. À essayer Defiance, mais c'est surtout, je vous offre mon expérience sur un jeu que j'ai pu essayer au E3 puis que j'ai pu réessayer en fin de semaine. Puis mon déménagement, c'était vendredi le 1er, puis j'ai réussi à finir les dernières boîtes dimanche le 3, puis j'étais content de les avoir finis en plus parce que j'ai eu un beau dimanche. Brûlé raide le gars, fini de déménager, je m'assis finalement devant mon ordi, hey, ma blonde vient me voir. Elle me drop une bière et un sac de Doritos, puis elle dit j'ai tes jeux. En plus, je venais d'échapper ta TV dans les marches. En plus. Fait que, tu sais, là, je suis assis, ma blonde m'a amené une bière et un sac de Doritos. Puis là, je peux enfin jouer au Alpha de Evolve. C'était-tu des Doritos Double XP? Non, c'était des Doritos 2x6 plein orange. Puis avant que tu vas plus loin, là, avoue qu'après que comme tout le déménagement il est fait. Il y a ce moment-là où ce que t'as un high qui est inexplicable. Oui. Pis t'es tellement comme... C'est fait. C'est fait, mais c'est surtout, tu sais, c'était fait de A à Z. Plus de boîtes, plus rien. Les boîtes étaient défaites sur le balcon en attendant du recyclage. Tout le kit. Mais là, j'étais assis devant mon ordi, puis là, je me dis, alright, Power Steam, Evolve. De la gang Turtle Rock, qui ont fait Left 4 Dead, leur nouveau jeu, j'en ai parlé au E3, c'est incroyable, ce jeu-là. 4 chasseurs, un gros monstre. Le but du monstre, c'est d'évoluer en bouffant la faune, des trucs comme ça. Le but des chasseurs, tuer le monstre. Puis à partir de la phase 3, le monstre peut commencer à soit chasser les chasseurs ou à détruire des trucs, puis qui va lui donner des events, des choses comme ça. Le système de jeu-là, guys, est incroyable. Premièrement, tu portes, puis là, il te pose des questions. Il te dit, OK, toi, quelle classe que t'aimes jouer? Parce que t'as le choix d'être trappeur, que tu vas pouvoir avoir ton chien, tu pistes le monstre, des choses comme ça. T'as support, que moi c'était ma classe préférée. Moi medic, j'ai toujours joué medic, mais cette shot-là, j'ai joué support puis j'ai trippé. Support, t'as un genre de bouclier, t'as un gun, puis tu peux caller un airstrike à ce moment-là. Donc une attaque de mortier sur le monstre. Mais là, tu commences à jouer à Evolve puis tu dis, OK, toi, quelle classe que t'aimes? Ah, moi j'aime medic. Parce qu'on veut s'assurer que quand tu joues, si toi t'aimes ça être medic, on va te donner la chance de jouer en tant que medic. Puis là, après ça, tu choisis toutes les classes puis le monstre en ordre. De 1 à 5. Fait que là, tu choisis tes préférences. Tu dis, OK, ben moi j'adore ça, je veux jouer à ça. Ben calvaire, toutes les games que j'ai faites, parce qu'après ça, un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait, ah, c'est pas vraiment medic, je trippe pas tant que ça, je veux jouer support, je veux l'essayer. Ben toutes les games que j'ai faites, j'ai eu support. Puis ils m'embarquaient avec une gang qu'eux autres, ils avaient besoin de support. C'est à chaque game que tu. Pas nécessairement, parce que quand tu trouves un party à un moment donné, puis ils te matchent avec d'autres joueurs. Tu refais plusieurs games avec eux autres parce qu'ils ne changent pas nécessairement à chaque fois. Parce que le but de Evolve, c'est le travail d'équipe. Mais c'est à chaque fois que toi, tu te login pour te starter une game, tu fais tes préférences. Fait que t'es pas ils sont pas savés là. Si t'as un party, le party prévaut le système de matchmaking. Mais okay, sinon, ouais. Le système de matchmaking tient compte des préférences de tout le monde, des niveaux de tout le monde, des habilités de tout le monde. Question. Oui. Dans les questions, ça dit-tu est-ce que t'aimes être un fucking monster? Ben, ça dit pas est-ce que t'aimes être un fucking monster, mais tu peux choisir monstre. Ouais, ok. Puis à ce moment-là, je te jure, c'est, à chaque fois, j'étais support, puis je trippais, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis tu commences les games, puis là, c'est le travail d'équipe. T'as le pisteur qui va dire, hey, je vois les pistes, tout le kit, suivez mon chien, puis là, le chien, il s'appelle Daisy. Allez, suivez Daisy, tout le kit, puis là, un moment donné, tu trouves le monstre. Puis là, t'as le médic que lui, il a un sniper qui pète l'armure du monstre. Fait que lui, il tire dessus, puis là, t'as une cible qui apparaît sur le monstre qui dit « Là, il n'y a pas d'armure. Si tu le fais, c'est des critical hits à chaque shot. » Là, t'as le heavy, le assault rifle qui commence à tirer dessus toute la kit. Le medic est en train de te healer. Moi, je suis en support. Je donne des shields au monde, puis je suis en train d'essayer de caller les airstrikes. T'as l'autre, que j'ai oublié son nom, je pense que c'est le Hunter ou je sais pas trop quoi, que lui, il peut faire comme un mobile arena. Fait que ça fait comme un genre de gros force field que le monstre peut pas sortir de la zone. Honnêtement, ce jeu-là est malade. Quand que ça va sortir, malheureusement, j'ai lu aujourd'hui, c'est super plate. Apparemment qu'il est repoussé en 2015. Un autre repoussé en 2015. Ouais. Sauf que ça me surprend pas parce que honnêtement, le jeu est malade. Les graphiques étaient beaux au bout. Il a besoin d'un petit peu de tuning, je vous dirais. Il était peut-être ambitieux. Mon ordi, il rushait, là. Puis c'est pas que j'ai une machine de merde, là. Mais le gameplay est tellement le fun. Puis juste dans le lobby, tu sais, quand tu finis ta game, t'as genre une ligne de temps qui dit, mettons, ok, t'as été vivant à 100% d'énergie là, whoop, t'es tombé à 90, là t'es mort. T'es revenu, t'as fait telle affaire. Fait que tu peux voir la durée de vie de chaque joueur, game, exactement, ouais, que ça donne. Puis mettons, tu dis, ok, à tel bout, on est tous morts. Mais là, t'as ça à map, t'as des points de couleur qui disent où tout le monde était. Fait que mettons, tu peux voir, ben moi je suis mort là, mais à tel moment que je suis mort, j'étais où sa map? Toute l'équipe était à gauche, moi j'étais tout seul à droite, je me suis fait tuer. Il va avoir du bitching avec ça. Ah ouais. Ça c'est malade. Tu vas te faire pointer du doigt. Sauf que d'un on autre va côté, se faire, je vais. Tu peux apprendre à travailler. Puis une autre affaire, puis le dernier point, parce que ça, je veux pas en parler trop non plus, puis on a un épisode à faire après avec des questions, mais il y a une affaire qui est malade aussi, c'est qu'il y a de la faune dans le jeu. Fait qu'il y a des bibittes qui existent dans les tableaux. Il y a de la végétation, des choses comme ça. Première game que je fais, je pars avec mon jetpack, j'atterris, il y a une plante carnivore qui me bouffe. Je pognais dedans, je perds mon énergie, damage over time. Mes collègues, il faut qu'ils me sortent de là. Après ça, un moment donné, t'as le monstre qui est en train d'essayer de se pousser, puis je vois des bibittes au loin, des gens d'affaires. Ça ressemble à des vélociraptors. Moi, je fais fuck it. Je tire pas le monstre, je tire dans le tas des vélociraptors. Ben, eux autres, servez d'abord, ils voient le monstre, puis ils l'attaquent. Parce qu'ils se sont sentis menacés. Fait que tu peux te servir de la faune pour attaquer le monstre. Comme dans King Kong. Un peu comme dans King Kong. Ouais, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Sauf d'un autre côté, là, t'as un terme que pour les joueurs de League of Legends, ils vont comprendre, mais faut que tu fasses attention à pas feeder le monstre non plus, parce que un moment donné, t'as un des gars dans notre équipe qui s'aventure dans une zone où il y a des vélociraptors, le kit, puis il se fait attaquer. Fait que nous autres, faut qu'on le sorte de la merde. Fait qu'on tue les cadavres. T'sais, on tire les vélociraptors, ça fait des cadavres à terre. Maintenant, on fait le tour de la map, on revient, il n'y a plus de cadavres à terre, puis c'est pas qu'ils ont disparu. Le monstre les a mangés. Le monstre les a mangés, puis il a évolué avec ça. Fait qu'on l'a nourri. Fait que, tu sais, tout est pensé dans le jeu, puis c'est vraiment intéressant comme concept. Ils vont faire d'autres séances d'alpha puis de bêta, je vous invite à aller vous inscrire. Mais honnêtement, Evolve, moi, ils ont eu ma précommande, puis je sais que là, il y a beaucoup de controverses ces temps-ci avec les précommandes, avec les offres de précommandes, les choses comme ça, tu le quittes. Moi, c'est tout simplement, regarde. C'est quoi la controverse? Je ne l'ai pas entendu, moi. Ça a parti beaucoup avec le contenu du Nostromo dans Aliens Isolation. Parce que le dernier jeu d'Aliens, on s'entend qu'il a été ramassé, c'était de la merde. Le Gearbox, ils se sont plantés avec ça, puis ils ont racheté la licence, des choses comme ça. Aliens Isolation, qui se passe dans l'univers du 8e passager, du premier Aliens, dans le fond. Ils ont annoncé que si tu faisais la précommande du jeu, tu pouvais obtenir comme DLC qu'est-ce qui s'est passé dans le film Aliens, parce que c'est une suite Aliens Isolation. Oh, ouais. Puis là, le monde était comme, votre dernier jeu, c'était tellement de la merde, si vous pensez que je vais être pour précommander juste pour avoir les affaires du Nostromo. Puis le monde capote un peu sur les précommandes. Moi, je le vois de cette façon-là, puis je vous donne ma vision des choses. Evolve, c'est un jeu que j'aurais acheté anyways. Moi avec. Je me le procure, veux pas. Il y a des places qui vont demander de mettre un 5$, il y a des places qui vont demander de le réserver sans dépôt. Ben, moi je le précommande parce que je vais avoir accès à des skins de plus, peut-être un gun exclusif, peut-être une carte exclusive, peut-être même que je vais juste avoir une avance de temps sur ça. Mais ce jeu-là, je vais le précommander parce que je vais l'acheter, veux pas. Fait que c'est pour ça que je fais ma précommande de Evolve. Puis même s'il est reporté en 2015, je regrette pas de faire ma précommande parce que ce jeu-là, je vous le dis, puis vous avez utilisé déjà le terme avec Titanfall toute la kit, et moi je vous le dis, je t'ai pas dit. C'est un game changer, Evolve. Parce que oh, Evolve a été, puis je trouve ça bien qu'ils repoussent parce que ils sont à l'écoute de leurs fans, ils ont un produit qui est très poli puis très fini, puis ça va juste être encore meilleur, même s'il repousse. C'est un jeu de Valve ou... Ben, c'est Turtle Rock Studios. C'est la même gang. C'est la gang qui ont fait Left 4 Dead. Fait que mais c'est qui le release sur les consoles? Je ne suis pas sûr de toute l'information. Je vous invite à me la partager à ce moment-là. Mais je sais que c'est Turtle Rock eux-mêmes qui le font à ce moment-là. Moi, première fois, j'ai juste entendu parler, vu une petite affaire du jeu, j'ai fait « Oh shit, j'achète ça ». Fait que pre-order, sûrement. J'ai déjà pre-orderé 2K5 qui sort dans 2 mois. Puis on se le cachera pas, en plus, Turtle Rock, je me trompe pas, c'est aussi la gang responsable pour Counter-Strike. Là. Effectivement. Fait que... Le online play. Ils ont de l'histoire avec le online play, puis ils savent comment ça marche. Exactement, ils connaissent leur game. Ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause, rafraîchissement et surtout faire baisser la température de la pièce. Puis on va revenir avec le AMA, avec les questions du public. Oh, notre public pas safe avec les questions louches. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. De retour de cette courte pause, donc, mesdames et messieurs, ask me anything, ask us anything. Vous aviez des questions pour nous, on va essayer d'avoir des réponses pour vous aussi également. Puis pas trop déraper. Pas trop déraper, ben écoute, si on dérape, ben on va déraper, puis c'est pas mal ça qui est ça. Donc, je vais me lancer avec la première question. Ben c'est ça, on explique-tu un peu qu'est-ce qu'on fait ce coup-là, on fait juste aller question après question. Hein? En fait, à moins que la question soit orientée directement à quelqu'un, cette personne-là va avoir la priorité de la réponse. Donc, je donne un exemple. S'il y a une question qui est orientée à Milter, Milter, tu as la priorité de la réponse. Si la question est générale, ben, anything goes, tout le monde en parle à ce moment-là. C'est bon. À ne pas confondre avec tout le monde en parle. Avec Danny, puis l'autre, là. L'autre. Celui, ouais, il y a un menton, je pense. Ouais, en tout cas. Ah, la fille qui vend de l'eau maintenant. Bing it. Première question. Nous venons de William Aymon Guinette. Les geeks sont parmi nous. Le sport et le monde de geeks ont toujours eu de la difficulté à cohabiter. La preuve en est la controverse de Fan Expo 2013 autour de l'ajout d'un volet sport à la convention qui n'était composé auparavant que du volet sci-fi, horreur, jeux vidéo, comics et animé. Si je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de geeks détestent le monde sportif qui, pourtant, il me semble, n'est pas si différent du monde geek. Je me demandais quelle était votre position là-dessus? Donc, voulant dire, il y a des anciens sportifs peuvent-tu cohabiter ensemble? Je pense que c'est ça la question, si je l'ai bien compris. Je pense que oui. La cohabitation, oui. Personnellement, commencer à prendre des événements ciblés niche ou intérêt plus niche, puis commencer à les grossir de plus en plus vers quelque chose que c'est pas nécessairement, je comprends le but, dans un sens que si je vais au Comic-Con, c'est pas pour voir un ancien joueur des Maple Leafs de Toronto. Tu sais, fait que pour ce côté-là, je comprends, puis je me dis, tant qu'à ça, pourquoi qu'il n'y a pas une convention de sportifs qui pourrait vendre des cartes sportives, des événements sportifs, pas des événements, des jerseys, des... Ben, ça s'appelle une game d'hockey, ça, Milton. Non, mais des cartes d'hockey, des affaires de collection, des jerseys de collection, comme le Comic-Con, mais d'objets de collection sportifs, des pas qu'il y en a, en fait. Ben, moi aussi, je pense qu'il y en a déjà... Fait que justement, qu'eux autres se concentrent sur grossir leur événement, puis peut-être, au lieu de faire ça, juste un marché aux puces de monde qui vend des cartes, s'organiser des invités, puis recevoir des vieux joueurs, puis des vieux... peu importe quoi, là. Comme nous autres avec le Comic-Con, quand t'sais, dans un sens, là, on reçoit des anciens acteurs de certains films ou des personnes dans des vieilles séries et cultes ou des affaires de même, mais c'est la même affaire... pour le hockey puis les autres sports dans le fond, mais je vois pas l'essentialité de mixer les deux personnellement. Ben, je suis un peu à la même place que toi où j'apprécie le sport, tu sais, je vais faire de l'escalade, je vais écouter des games de hockey, je vais aimer le football, tu sais, je vais faire l'éternel cliché de d'écouter le Super Bowl puis inviter le monde à la maison, mais je suis un peu à la même place que toi où si je vais à Comic-Con, ça me tente pas d'avoir un panel de Gordie Howe puis d'aller faire la signature de Chris Chelios. Tu sais, c'est comme... Je sens pas le besoin de ça. Puis effectivement, je pense qu'à un moment donné, puis tu sais, je vais me niaiser moi-même, mais tu sais, mon Conventionception, ouais. C'est voué à l'échec une affaire de même. Tu peux pas plaire à tout le monde puis attirer tout le monde. Tu viens d'avouer que ton... C'est une trap. Puis c'est voué à l'échec. Calais, André. En fait, j'ai jamais dit ça. Mais tu viens de le dire, c'est voué à l'échec. Qui est-ce qui fait le montage? Oh, tabarnak! Non, mais en réalité, c'est un peu ça. Ben, c'est ça. Tu t'en vas là pour voir des tripeurs de films, de téléséries, de jeux vidéo, de comics, des affaires de même. Puis tu vas aller mettre, mettons, Patrick Roy qui va aller parler de la shot qui a pitché son casque. Puis fuck, OK, il peut avoir des fans de sport, mais faites une convention de sport. D'après moi, ça pourrait attirer autant de monde et peut-être même plus, c'est con à dire, là, mais tu sais, ça a tellement son marché à lui et sa clientèle à lui que... Ben, ça me fait penser un peu, il y a quelques années, quand la MLG avait signé un deal avec ESPN, où, tu sais, le monde avait chialé c'est en voulant dire « Halo, c'est pas un vrai sport ». Puis pourtant, les codes d'écoute étaient bonnes. Mais ils viennent d'avoir le même argument vient d'arriver à cause de le Dota 2 là, qui t'a pas été sur ESPN aussi. Hein. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, je catch pas, puis je suis content d'une plateforme comme Twitch, premièrement, parce que ils peuvent héberger des podcasts de qualité tels le nôtre, mais deuxièmement, parce que est-ce qu'on a vraiment besoin pour, mettons, les ligues comme la MLG et les choses comme ça, de la reconnaissance des gens d'ESPN? Tu sais, t'as pas besoin de ça, garde. Je peux-tu faire l'avocat du diable? Ouais, ouais, vas-y donc. Parce que les deux, vous êtes en train de pas mal prendre le même côté. La définition d'être geek, c'est quoi encore pour nous autres? T'as entièrement raison. Geek, c'est être passionné à l'extrême dans un sujet prédéfini. Mais là, comme c'est pas un geek festival, nécessairement, c'est fan expo. Puis on s'entend que nous autres, notre définition de geek, on la pousse plus loin que le terme péjoratif général. Mais la question de William, c'était est-ce que les trucs peuvent cohabiter? Je crois que oui. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'ils doivent cohabiter, par contre? Ben là... Ils sont pas obligés de cohabiter. On est tous bien de jaser là-dessus sur comme tout sujet sa planète. Est-ce que ça peut, oui, mais est-ce que ça doit? Ouais, non, mais c'est comme, regarde, tu pourrais faire un festival de métal puis de hip-hop, mais t'es-tu obligé? Y a-tu une place pour ça? Peut-être, OK, ouais, mais vu de même, je peux comprendre. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je l'amène, où c'est deux cultures qui peuvent cohabiter ensemble. Mais on s'entend que le métalleux, là, quand il va voir Eminem embarqué sur le stage, puis hey, oui, j'ai dit Eminem comme référence de hip-hop. Moi, j'ai plus entendu le métalleux. Mais tu sais, oui, le métalleux. Le poêle, là, avec les cheveux longs, qui écoute du Anorexia Nervosa. Mon frère. Regarde, lui, mais qui voit un gars d'hip-hop embarqué sur le stage, il va peut-être et turné off. Puis le gars des pop, mais qui voit un groupe de métal embarqué sur le stage, va peut-être être turné off. Dans la vie, ces gens-là sont capables de se parler puis d'aller prendre une bière ensemble. Mais c'est pas ça, chez Agathe, c'est ainsi, de toute façon. Ouais. Ouais. Mais voulant dire, est-ce que c'est obligé de cohabiter ensemble? Moi, je pense pas. Parce que ton point est valable, Eric. Là, un tripeux de sport peut être un geek. Paul Hood est un geek de sport. Ouais, ben c'est. Mais c'est ça que moi je pense que c'était plus ça, là, comme. Moi, mais si moi, Paul Hood, il est dans un Comic Con puis un panel sur qu'est-ce qu'il connaît sur les Canadiens. Il mérite son Comic Con à lui tout seul, son Sporticon. C'est ça. Pis tout. Qu'il aille un Sporticon. Qu'il aille un gars des Alouettes, qu'il aille Patrick Roy, qu'il aille Bob Guéné, qu'il aille Jacques Demers qui sont là, qu'il aille tous des panels, qu'il aille des gars qui te montrent comment aiguiser des patins comme affaire, pis qu'il y ait un autre gars qui t'explique comment trader des cartes de hockey ou les faire coller au mur comme nos parents dans le temps. Mais en même temps, moi, j'te... En même temps, là, excuse, mais tu vas au Comic-Con de Montréal ou d'Ottawa pendant les séries, il y a un illustrateur qui est là, puis il y a des hosties de belles dessins de certains c'est joueurs un artiste, de hockey. Ça pis... reste à la base le dessin, c'est plus ça. Mais c'est quand même le thème de les équipes de hockey sont là. Peut-être. Mais ça mérite pas un Doug Gilmore qui fait un panel. Mais là, en gros, je pense qu'on est d'accord sur un point. Oh, ouais. Ça peut cohabiter. Ça peut cohabiter. Ça peut cohabiter, mais est-ce que ça doit cohabiter? Moi dans un sens, ça vient purement d'un côté marketing. Tu vas attirer bien plus de monde, puis en tourner moins off, qui vont faire « fuck off, je vais pas là, Doug Gilmore, il est là, à la place, il va dire « Patrick Stewart, il est là, moi j'y vais, je jette 4 billets de plus, même si j'y vais tout seul. » Si c'est d'autres choses. Tandis que l'autre gars qui irait pour Doug Gilmore, mais fait un autre event avec Patrick Roy, Doug Gilmore, puis Jacques Demers, puis il va le payer son billet, lui, pour ça, puis ils vont en vendre autant, d'après moi. Mais... C'est parce que, gars, c'est con à dire, là. Mais il y a une couple d'années, là, le monde commençait à chioler, exemple, pour Comic-Con, qui, ah, mais il est rendu que des films, là, puis des séries TV, là. C'est plus juste du comic book, là. C'est un peu ça, là. Je pense que c'est ça, puis moi, il y a une affaire, par contre. C'est victime de l'expansion. Sauf que jusqu'à où qu'il faut faire l'expansion? Mais, tu sais, ça, moi... Il y a des fabricants d'épées. Ouais. Qui t'aurait dit qu'un Comic-Con, 8 ans, 10 ans passés, t'as pas des fabricants d'épées? Ouais, mais il y a un épée de Link, il y a la copie de... Ouais, mais ça reste non, pas non, mal non, t'as aussi les LARPers, là, ah. Puis leur suit. Mais moi, je pense qu'il y a une affaire, par contre, puis il faut être conscient de ça, puis j'en parle une fois de temps en temps, puis je m'en suis rendu compte fortement, mais, tu sais, on dirait que la culture geek aussi est rendue à un thème où... Tu sais, on est rendu que les films de Marvel pognent, les jeux vidéo c'est à la mode, les affaires de même, mais c'est rendu que on est un peu à chasse aux sorcières aussi pour sortir les faux geeks. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme protéger notre culture. Il y a encore une segmentation qui est faite un peu par la geekture, la culture geek, les gens de cet environnement-là. Puis ça, c'est un autre aspect que moi je trouve désolant un peu. Tu sais, justement, le monde de Fan Expo, c'est comme tabarnak, les gars de sport ont pas leur place ici. Puis. Mais c'est Fan Expo, ça, là. Ça, c'est même pas la même affaire, là. Mais d'un autre côté... Ouais, mais c'est juste du monde de Walking Dead qui sont là. Va pas le voir, le panel du Godsport. Ouais, au pire. Tu sais, mais sauf que quelqu'un a le choix d'aller voir ce panel-là, mais good for them, tu sais, c'est comme... Mais justement, c'est parce que vous parlez de Brett Hall, Doug Gilmore. Puis Brett Hall, il est là, puis d'un coup, il est devenu artisan, puis il fait des belles peintures où il mélange les joueurs, grands joueurs de hockey avec les super-héros de Marvel, par exemple. Puis pendant ça, il y a un panneau de comment est-ce qu'il est venu à faire ça, puis ouais, il raconte ses histoires là, de hockey. Là, t'es en train de rentrer quelque chose de purement, carrément... Non, mais c'est parce que l'exemple, je pense qu'elle est poche avec Fan Expo, en fait. Parce que Fan Expo, c'est pas question, un Comic-Con, là. Non, mais c'est parce que Fan Expo, c'est absolument correct non, mais, qu'il y ait des joueurs de hockey mais au Fan Expo. Pareil, Fan Expo, c'est juste un, parce qu'ils n'utilisent pas le nom de Comic-Con. Là. N'ayons pas peur de dire les vraies affaires. Mais c'est combien de choses, c'est des comics au Comic-Con? Moi, je pense c'est que... C'est les mêmes marchands, tout le même staff, là, le même monde qui vend du stock ouais, dans Comic-Con Ottawa à Montréal. C'est la même affaire, c'est juste qu'ils payent pas pour le nom de Comic-Con. C'est pour ça que je te dis, il faut pas avoir peur des vraies affaires. C'est la même affaire, probablement la même gang qui se font juste plus d'argent parce qu'ils payent pas une licence pour le nom Comic-Con qui est rendu une business de licencement partout. Fait qu'ils font ça, c'est le Toronto Fan Expo, c'est les mêmes marchands, parce que moi, avec mon ancien travail, je fournissais les mêmes gars qui allaient à la même place, sauf qu'ils se disaient, ah, à Toronto, je vais toucher 100 000 personnes de plus qu'à Ottawa, je grossis ma commande un petit peu, ouais. Ou des affaires de même. J'ai vu l'annonce en fin de semaine, c'est carrément Walking Dead, des lutteurs, des gars de comics, des gars de films, des affaires crowd. De même. Puis, s'il y a Brett Hall, OK, là, peut-être qu'ils s'essayent, ils en mettent un, puis ils vont faire comme, OK, ça marche vraiment pas, ou le monde, ils ont pas aimé ça, on n'en met pas l'année prochaine. Mais, en tout cas, personnellement, ça ne fit pas dans la catégorie niche, parce que rendu là, c'est du sport et plus un divertissement cinématographique ou artistique. Ou... Ouais, mais d'un autre côté, parle à un gars qui a gagné, mettons, comme le... C'est qui? C'est Henri Richard qui a gagné. C'était quoi? C'était 11 Coupes cette année? Ouais. Mais il dessine à rien. Ouais, mais il dessine à rien. Mais il a pas fait de film. Le gars, il a gagné quand même 11 à cette coupe cette année. Oh, j'y enlève pas ça. Il y en a des histoires, ce gars-là. Ben, compte-les dans le Sporticon. C'est juste ça que je veux dire. Mais... Puis tu vas vendre encore plus de billets puis regrouper encore plus de monde qui va entendre ton histoire parce que Patrick Roy, Jacques Demers... Mais je te donne un exemple. Kurt Schilling décide de venir à Montréal pendant le Comic-Con puis il y a un panel sur 38 Studios puis comment est-ce qu'il a trippé puis il jouait à EverQuest pendant qu'il était en train de jouer pour les Boston. Attends, c'est-tu comme vrai, ça il explique ça? Son... Ben oui, c'est vrai. Kurt Schilling a joué à EverQuest tout le long. Il a fondé un studio qui a fondu en mille morceaux parce qu'il il a perdu sa fortune au complet en essayant de faire un MMO. S'il vient de parler de gars de baseball, tu parles? Ouais. Je pensais le gars de patin artistique. Kurt Browning. Brian Boitano. Kurt Browning, j'étais là pour de vrai. Mais lui, le ton gars que tu parles, là, que je sais que exactement l'histoire, ben ça fit. Parce qu'il vient plus parler de son baseball nécessairement, il vient de parler de l'expérience de perdre une fortune en essayant de construire un jeu vidéo, un MMO, un quelque chose. Le gars serait un lutteur, un architecte, un gars de l'armée qui aurait dépensé toute la même fortune pour ça. Son histoire aurait été aussi bonne parce que le côté sportif n'est plus important. Moi, ça peut rajouter au détail. Ben, en même temps, où est-ce que le jeu vidéo embarque dans Comic-Con? Moi, je vais vous interrompre sur une chose, messieurs. Vous êtes même plus dans la question, non. Vous êtes rendu ailleurs parce que la question c'était tout simplement est-ce peuvent-ils que la culture de sport et la culture geek peuvent cohabiter? Absolument. Donc, je pense qu'il y a une affaire qu'on est d'accord tout le monde, puis Eric, tu l'as bien illustré par une question au départ. Un geek de sport, ça existe. Un geek est un passionné à l'extrême. C'est dans la description, c'est notre crise de site web. Ouais. Fait que moi je pense que je parle pour nous trois en disant que effectivement, il y en a des geeks de sport. Puis oui, ils peuvent cohabiter. Mais je pense que le point de Milter, je suis 100% d'accord avec ça, ça veut pas dire que tu es obligé d'accueillir des sportifs dans un Comic-Con ou une affaire de même. Mais tu peux faire une convention, puis le point d'Éric est excellent là-dessus aussi. Fan Expo, ton titre est tellement large qu'à un moment donné, tu es victime de ton propre succès. Ben, cours après. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi. Prochaine question, messieurs. C'était une question, ça? C'était une question, on est bien parti. La prochaine question s'adresse à vous deux précisément. Mm. C'est de la part de M. Stéphane Leduc qui nous demande « Question surtout pour Éric et Milter. Maintenant que le Xbox One est disponible à 400$, est-ce que c'est un bon deal ou la Kinect est trop importante pour la console et je serai obligé de l'acheter séparément dans le futur? Mm. En passant, je n'ai pas la Kinect pour ma 360. Je peux commencer? Vas-y. Ou... regarde, moi j'ai acheté la Xbox One quand elle est sortie. Puis rendu où ce que je suis maintenant, ça s'en va sur une couple de mois. On peut parler des jeux et des choses comme ça avec la Xbox One. Si on parle jeux, c'est tout les next-gen en ce moment. Je pense que les deux, tous les côtés, on peut être un peu déçus à chaque temps en temps. Mais s'il y a une chose que je peux te confirmer à 125%, c'est que la Kinect dans mon salon, ça a complètement changé comment est-ce que je regarde la télévision. Puis c'est stupide, là, peut-être, c'est cliché même, parce que les gens, ils en riaient de ça, la Xbox One, TV, trois mois avant le E3, là. Mais calice, man, je m'excuse, là. Mais je suis en train de dire Xbox pause avant d'aller pisser. J'étais en train de fermer ma télé et ma console en sortant de ma maison, des fois. J'étais en train de l'allumer en faisant mon café le matin. Ça l'a complètement intégré ma vie, qu'est-ce que la Kinect a fait au niveau de la télé. Ta femme est dans la chambre, elle t'appelle Xbox Mute. C'est... Hein? Non, ben okay, justement, quoi, ouais. Là, ça a l'air stupide. Mais même ma femme, elle utilise des fonctions vocales. Puis si la question est-ce que ça vaut la peine de le prendre avec la Kinect? Absolument. Est-ce que tu penses que tu veux te sauver une couple de sous? Ben, tu sais, ça, c'est personnel. Mais moi, à 100%, je vais dire que ça vaut la peine de l'acheter avec la Kinect. Puis jeu à part, comme je te dis, je vais juste parler de mon expérience personnelle, mais comme la manière que la Xbox est intégrée à ma télé, où ce que je suis capable de voice command mon PVR de Vidéotron, là, m'excuse, là, mais ça vaut quasiment, peut-être ça vaut pas nécessairement le 500$, mais ça vaut une bonne partie de l'argent que j'ai dépensé sur cette console-là, pour moi, personnellement. Moi, je te suis pas mal là-dessus, parce que... côté jeu pour l'instant, à part les affaires de fitness qui sérieusement sont nice, là, je suis pas un gars qui je m'en sers pas tant que ça. Y'a-tu du stock débutant? T'as-tu remarqué ça encore? J'ai rien vu. Du stock débutant, puis y'en a du gratis en plus. Ouais, y a beaucoup de gratis. Souvent qui te donnent, fait que c'est cool. T'as comme un Wii Fit déjà intégré dans ta Xbox. Pour ceux qui aiment ça naturellement, là, comme je dis, je m'en sers pas toujours. Ça calcule ton pouls pendant que tu fais des workouts, ouais, des affaires comme ça. C'est une affaire que je sais même pas comment que ça le calcule, mais pas trop savoir. Kinect, ouais. Hein. Mais juste comme Eric il dit, là, au début, tu fais comment? Ok, qu'est-ce que c'est ça? Tu le sets, tranquillement, pas vite, tu t'habitues beaucoup, puis tu sais, pour dire, comme il disait dans la question, il n'y a pas la Kinect de la 360, mais moi je l'avais. Puis moi je l'ai revendu parce que c'était de la merde. Puis, pas rien que de la merde dans le sens que ça, les jeux étaient plates, ça captait pas bien, aucune commande vocale qui fonctionnait. De même, ça servait juste à rien, tandis que celle-là, je m'assis devant ma TV, là, je suis même pas de manette, je veux dire, Xbox on, ça s'ouvre, ça me reconnaît, ça dit bonjour Jonathan, ça change tout bleu parce que moi j'ai décidé que bleu c'est plus beau que vert. Dans mon menu, fait que ça se transforme tout devant moi, mes favoris apparaissent tout d'une shot parce que il m'a juste reconnu, moi, ben verge en bédaine le matin, qui s'est assis dans mon salon, puis c'était carrément pour ça. Tu sais, c'est des petits détails de rien. Si t'es serré au point que 100$ va changer ta vie, achète-la pas. Si tu te dis, moi, je pense, hey, on the long run, là, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir de quoi dans un jeu qui va me le falloir, que ça va marcher en fou, puis que je vais le vouloir. Puis déjà, comme Eric dit, les petites commandes vocales, là, c'est le fun. Je change une toune dans mon Xbox juste en disant comme « Next song, bang, ça me change la toune, ça me met d'autres choses. » Netflix vocal, la TV, Xbox c'est... Watch RDS, bang, RDS. C'est ça, comme ça a l'air de rien, mais c'est fort, ça, là. Ouais, c'est... Ouais, moi, ça vaut la peine. Si je peux me permettre d'embarquer... puis je vais répondre à une question de Jérémy Bomotte aussi qui me demandait est-ce que je vais m'acheter un Xbox dans un futur rapproché. Bon, ben, Stéphane puis Jérémy. Premièrement, Jérémy, ben oui, je planifie m'en acheter un Xbox. Puis Stéphane, je comprends super bien ta question parce que présentement, là, j'ai le goût en maudit de me trouver une raison de m'acheter une console next-gen. Puis là, ceux qui ont catché la subtilité de ma réponse, là, c'est j'ai le goût de me trouver une raison de m'acheter une console next-gen, voulant dire que... Tu sais, vous autres, je sais que vous l'attendiez mordicus, vous aviez l'argent de côté, puis c'était vraiment... Mais c'était même pas pour la Kinect, Day moi. Day one, j'achète mon Xbox parce que j'ai... Puis, j'étais un Xbox 360 kid, là. J'ai joué là-dessus solide. J'étais avec eux autres depuis le début. Puis, récemment, ben, la bêta de Destiny est sortie, puis j'ai joué sur mon 360, puis j'avais le goût en maudit, j'ai fait... Ah, je m'en vais me pogner une P4 ou un Xbox One. Puis là, ça me tentait. Puis là, je calculais mon trade avec mon Xbox. Puis je me suis dit, je vais avoir tant de trade. Puis ça me coûte combien. Puis le déménagement s'en vient en plus. Fait que tu sais, là, je me dis, hey, tu vas déménager dans pas long. Faut que tu justifies ton achat. Stéphane, je te comprends parce que j'ai pas été capable de justifier mon achat encore de console. Parce que pour moi, qui a pas économisé des One, qui a pas était l'acheter au début que ça Kinect, les choses comme ça. Crème, je l'avais dans les mains, j'étais dans le magasin, puis j'ai choqué, j'ai fait « Je vois-tu me servir de 400$ de stock? » Mais parenthèse, depuis ce temps-là, t'as kickstarté pour 800$ de choses à peu près. Là. Pas tant que ça. Le pire, c'est que j'ai pas starté ça. Mais c'est con à dire, mais présentement, très honnêtement, là, je veux une console next-gen, je veux pouvoir jouer avec mes chums, parce que je m'ennuie du temps où j'étais sur Xbox Live, avec Guillaume Piché, avec Yannick, avec vous autres, puis t'inquiète, on se faisait des games, même avec Larry, puis tout le monde. Pis... Halo 4, c'était le fun. Halo 4, c'était le fun, puis je m'ennuie de ce temps-là, mais le jeu qui va me faire acheter la console n'est pas sorti encore. Ça va probablement être Destiny, mais même encore là, j'ai pas été capable de justifier ma dépense de console. Moi, ce que je te dirais, Stéphane, c'est premièrement, moi, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas parler pour toi. Si t'as des kids... Lui, as-tu dit qu'il en avait? Ou il dit écoute, plus je me souviens pas s'il a dit qu'il en avait. Non, c'est une autre question, ça. Si t'as des kids, ça n'a rien à voir, selon moi, que le débat de la Kinect. Moi non plus, parce que je n'ai, puis il s'en calisse. Il s'en crisse, les enfants. Il essaie, mon gars de 4 ans, il essaie de la faire fonctionner vocale parce que... Parce il qu'il t'a voit vu aller, ben c'est ça. Mais il prononce mal, tu sais, puis tout, fait que ça arrache pour ça. De ce que j'ai compris des enfants, sans en avoir moi-même, donc je n'ai aucune expérience de première main, mais un enfant, c'est une éponge à savoir. Puis je vois les vidéos des Kids on Ninja Turtles, ben Kids on Computers, puis t'inquiète, sur YouTube, qui montrent de la vieille technologie, puis je pense que les kids à Milter, ils utilisent des commandes vocales parce qu'ils voient Milter s'en servir, mais... D'un autre côté, est-ce que c'est ça qui va faire que tes kids vont jouer avec ton Xbox? Non. Tes kids vont vouloir jouer au Xbox, au jeu, puis des choses comme ça. Ils vont vouloir jouer à Skylanders, qui peut jouer sur n'importe quelle console, selon moi. Ils mais vont si vouloir tu jouer l'as, à Infinity avec Marvel 2.0, que j'ai pre-order avec Destiny. Mais si tu l'as, la Kinect, tes kids vont apprendre à s'en servir, puis ils vont l'utiliser, puis ils vont l'apprécier, puis tu vas le faire toi avec. Donc, toi, tu reviens à ton budget, puis qu'est-ce que tu veux faire avec? Moi, je veux jouer à des jeux, puis pour tout de suite, Kinect, pour moi, quand t'as dit que t'es à 100$ près, ben c'est con à dire, mais cette 100$-là, je pourrais le mettre sur un jeu, puis je me mords. Mais en même temps, doigts. Il va y avoir des bundles. Tu regardes Sunset Overdrive, là, il va y avoir un bundle avec le jeu puis la Kinect. C'est un exemple, là, mais... Moi, je pense sur à la long run, là, il y a un moment donné que mon 100$ va être payé. Chaque jour qui avance... C'est comme si je divise encore plus le 100$ ben, sur ça. Un long temps. Puis je le sais qu'à un moment donné, je vais arriver puis je vais faire comme « Oh shit, yeah, j'ai ma Kinect pour jouer à tel jeu qui va peut-être révolutionner tout. » Parce qu'elle capte en maudit. Ça, les avancées la qualité là, est écœurante. Pour même, coûter ça, mais ça. Encore, ça reste que c'est juste le côté jeu. Sérieusement, là, si tu veux jouer, là, parce que tu sais, c'est une caméra, la Kinect, quand tu y penses, là, à la base, là, mais je m'en sers pourquoi? Pour des contrôles vocaux. Mais je m'en sers un peu de ça parce que moi, où je voulais faire un parallèle, c'est que moi, Mass Effect 3 ou Xbox 360 avec ma Kinect, de dire Liara, Stasis, puis après ça, Garrus, Cover Me, puis après ça, partir, puis. J'avais l'air d'un cas avec mes écouteurs devant ma TV à parler à ma console. Sauf que quand le bonhomme, je disais Liara Stasis, puis elle le faisait, je trippais en tabarnak. Ouais, ben c'est il va en avoir d'autres de ça. Il va en avoir d'autres moments comme ça, mais pour tout de suite, pour moi, je comprends ta question, c'est totalement légitime, puis ça revient à une affaire de base, puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce que je suis catégorisé d'un early adopter. Il y a une technologie qui sort, j'aveux, puis je vais en payer, puis je vais en payer vite. Puis plus que je vieillis, plus que je doute de moi-même, puis à cette heure, mais je suis quasiment fier de douter, parce que si t'es pas sûr, Stéphane... Il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Laisse-la là, la boîte. Puis il y a personne qui t'a mis un gun sur la tempe puis qui t'a dit « Achète-toi un Xbox. » Mais faut que tu comprennes que c'est pas pour des jeux, la Kinect, en ce moment. C'est ça. La Kinect, présentement, c'est pour l'expérience de télévision. Mais qu'est-ce que ça l'offre? C'est cool. Ben, c'est ça. Ça vaut 100$. Je vais pas dire... Parce que moi, la Xbox Kinect, je l'avais pas acheté sur la 360. J'avais loué, je pense, puis on a joué à Kinect Sports un peu, whatever. Mais qu'est-ce que la Kinect offre sur la One? Puis tout tu mets de côté les gars de console de puis comment des qu'il l'offre parce que ça fonctionne comparé à l'autre Kinect là, que c'est ça le problème souvent là, que ça fonctionnait pas le trois quarts du temps là. Là ça fonctionne bien en plus mettre de côté la guerre des consoles des conneries comme ça parce qu'on en y est souvent moi je les aime toutes je le dis tout le temps je le spécifie tout le temps mais être assis à la table en regardant la télé manger puis là je suis comme Xbox go to Netflix select one resume pendant que je suis en train de manger. C'est fucking futuristique, ça. En tout cas, c'est moi, je pense que ça vaut la peine. Moi, je pense que ça vaut la peine. Si t'as l'argent. Si t'as l'argent, c'est toujours si t'as l'argent, là, c'est normal. Mais rendu là aussi, je me dis qu'à un moment donné, ça va être payé si tu veux finir par l'acheter dans un an, quand ils vont sortir le jeu qu'il te faut, la Kinect, tu vas la payer tout seul, 175$. Sais-tu quoi? Par contre, moi, je crois pas que ça va être payé parce qu'ils vont faire des bundles avec le jeu encore une fois. Ouais, mais tu vas te racheter une deuxième Xbox? Non, ils vont faire des bundles de Kinect avec le jeu. Ah, oh, peut-être, ouais. Fait que tu sais, je pense que, honnêtement, là, t'as pas de sentiment d'urgence de prendre ta Kinect. À la limite, là, tu vas te faire fourrer de 20$. Ouais, au pire. Si t'as 20$ à perdre, dans peut-être un an ou deux, mais 100$ à économiser tout de suite, lance-toi, prends-toi un Xbox 360, puis t'en as pas besoin de Kinect. Ouais. Mais si tu veux vivre l'expérience Xbox telle qu'ils l'ont imaginée, vas-y, puis sors les 100$. Ouais, ça vaut la peine. En tout cas. Prochaine question. Tout le monde, de la part de Guillaume Simard, Gumby QC sur Twitter, qui nous demande, concernant la guerre des consoles, parce qu'on parle de consoles, on est dedans, à quel point la controverse 1080p vous affecte? Je pense que celle-là, on peut répondre très rapidement. C'est tellement 200, c'est tellement 2006, c'est juste ça que je vais dire. Moi, je vais résumer ça pour moi d'une façon très simple. Moi, j'ai des verres de contact. Fait que, ma vision est de la marde. Excusez, là, j'ai vraiment une vision de marde en partant. Puis je suis même pas sûr quand même avec mes verres de contact, je vois la différence entre 1080p puis 1080i. Je le vois pas, je m'en fous. J'ai jamais été un gars de graphique, graphisme, name it, comment que tu veux l'appeler. Je m'en fous. Ça m'affecte aucunement, je le vois pas. Rick, tu continues ou j'y vais? Mais lui, il va aller technique, c'est ça? Non. Rick, c'est... il n'ira pas technique, je sais aussi. Ça vaut... Moi, je pense que c'est un argument de mal. NBA 2007? Ridge Racer 7, t'as qu'à y être. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais. Comme, je veux dire, quand ça vient à l'argument de 1080p, puis j'ai remarqué des gens de cette génération ici, on dirait qu'ils ont recommencé à avoir le... Puis en passant, t'as-tu remarqué, c'est pas mal dead en ce moment, là. Comme ça... Ça va sûrement revenir. Mais c'est parce que la résolution natif puis la résolution upscale, ben si t'as une télé de 50 pouces et moins, puis si t'as le temps de peser pause avec ton chum puis de sortir chaque petite courbe qui se passe à chaque sortir un autre TV pour la mettre à côté puis comparer, t'as du temps en tabarnak à gaspiller. Puis moi là, je m'excuse, mais Unreal 2003, le Unreal Tournament 2003, c'était ça que c'était, c'est-tu... Ben, le jouer en 640 par 480 parce que j'avais pas le choix, je me suis amusé. C'est juste ça que je vais dire. L'avoir en plus haute résolution quand c'est venu, fine. Mais là, les gens, ils s'estiment pour rien avec les résolutions. Puis 1080p, c'est très bien. Si tu joues en 720p sur une télé 37 pouces, fucking chapeau si tu peux voir la différence. C'est parce que t'as des yeux de malade. Non, mais c'est ça. Puis après ça, puis le pire des gens qui chialent là-dessus sont en train de comparer des photos de qui ont en ligne du monde qui s'estime pour rien. Puis des de toute façon, en 72 DPI. C'est ça. Puis c'est tout démodé là. C'est tout à peau du 4K maintenant. On le sait bien trop là. 4K. Moi, je regarde. Moi, j'ai joué là, Destiny en 1080p sur ma télé. Fait que ça, je suis allé voir une vidéo de 4K à job sur une télé 4K. Fait que ça, je retournais à Destiny puis je me sentais comme jouer à Mario Bros 1. Je pouvais plus là. Moi, je vais aller plus loin que ça. On est la génération qui écoute du Netflix en streaming sur une TV plasma 720p upscalée à 1080 quand c'est même pas une résolution native. Ah, c'est ça les gros crises de carré quand j'écoute Netflix dans la TV. On est une génération... C'était contact, ça, Milter. Qui écoute des DVD upscalés sur son lecteur Blu-ray Smart TV 3D qu'on perd la compression, qui s'ostine sur une résolution de console quand t'es plugé en component avec... Gars, un moment donné, là, c'est une christie d'argument, les guerres de résolution, pour justifier son achat. C'est comme le gars qui s'achète un char puis qui dit qu'il développe 300 chevaux. Mon char développe 300 chevaux. Ouais, mais c'est-tu au pneu, c'est-tu au moteur? Puis après ça, ouais, mais ta consommation sur ton char est de combien? À chaque avancée technologique, il y a une manière de contrôler, puis de mesurer, puis de justifier ton achat qui sort. Puis tant qu'à moi, là, je m'en contre-calisse du 1080p. Le jeu, y est-tu le fun? Puis si j'avais, une seule mesure technique dans le gaming qui serait importante pour moi, c'est le frame per second. Le exact, frame rate. C'est une autre affaire, ça. J'ai ouais. joué à Rage au 360 qui avait un frame rate incroyable puis qui était le fun. Puis il était peut-être pas en 1080. Puis on s'en calisse-tu bien? En fait, oui, il était upscale en 1080. Ben, c'est ça, upscale, hein. Mais il était pas natif. Ben, il roulait à 60 frames secondes. C'est en calisse. Et voilà. Puis il est beau en plus, ce jeu-là. Là. Il... Ça, là, honnêtement, là, c'est du monde qui veut se mesurer à graines sur Internet. T'sais, moi, je fais partie de la race supérieure. J'ai acheté la console qui roule, la seule console qui roule ce jeu-là en 1080p natif. Ça, c'est justifié fuck ton 200 plus, non, mais, justement, mais que t'as mis sur une carte mais, ou quelque chose. C'est 1080p, là. Je vous dis, tantôt, on a fait des jokes sur Metal Gear, là, comment est-ce que c'était le jeu qui ferait le PlayStation, l'année 2007, PlayStation. Pas du film. Mais, non, ouais, du film. mais une des raisons principales là, pourquoi que Metal Gear, ça se pose d'être révolutionné le gaming en fucking 2007. C'est à cause que c'était en 1080p. Hey, le monde qui ont chié sur Ubi à cause de Watch Dogs en disant « Hey, c'est même pas du vrai 1080p, c'est finalement. » C'est ça. Il était bon, pareil, le jeu. Il y a un paquet de jeux que vous avez joué dans votre vie qui n'était pas en 1080p. Chris, quand tu battais Mike Tyson à Punch-Out, il était-tu en 1080p? T'as-tu au Super NES ou au NES? Parce qu'au Super NES, je pense qu'il était 1080p. Il devait être en 1080p. En passant, moi, je joue à World of Warcraft en 2400 par quelque chose. Fuck you all. Pis c'est World of Warcraft. Ça. Puis ça roule à 130 frames secondes. Ça veut-tu dire que mon World of Warcraft, il roule mieux qu'une PS4? Ben non, ça veut dire que ton PC roule mieux qu'une PS4. Non, ben... T'sais, PC Master Elitist Race. Mais honnêtement, là, regarde, on s'entend, là, l'argument 1080p, là, on n'est même plus là. On t'avait d'avoir des TV 4K. Je le considère même plus. Ça n'a même pas de poids. Je te dis, je suis allé voir une vidéo, par exemple, André, je suis ruiné. Je peux même plus... Je peux même pas jouer à Destiny. Là. Faut pas que tu regardes du 4K parce que ça ruine ta vision. Ça va shot. Ruiner tout ta le vie, reste man. Après est de la merde. Non, mais juste le 4K, regarde, il y a des télévisions qui sortent, qui sont à 2560 par 1440, je pense. Ou... Christ, ton 1080p, il est même plus actuel. C'est même plus une bonne unité de mesure. Mais c'est-tu un vrai 1080p? Écoute, c'est ça. Ça, c'est une autre question. Regarde, je pense que ce qu'on dit... Là, en gros, on s'en fout. On s'en calisse. Le jeu, est-tu le fun? Ouais, il joue. Mais ça nous affecte, les gens qui pensent que c'est important. Plus, c'est ça, c'est les gens qui nous en parlent trop, qui nous dérangent plus que l'affaire en tant que telle. Prochaine question. Jean-Sébastien Chapelot. Le style de jeu vidéo que rien vous convaincra d'y jouer. Même pas 42 millions de dollars. Moi je vais en starter cela, si vous permettez. Parce que tu vas dire qu'est-ce qu'on va te dire. 42 millions de piastres, moi je joue à n'importe quoi. C'est non? Honnêtement, ça, c'est là, sûr. Tu mets un sac en avant de moi, 42 millions de dollars. Si le jeu, c'est un genre de... Hello Kitty Island Adventure, best game in the world. Simulateur de pipe pendant le festival en Beauce, là, ben Chris, je le fais pareil. Ah ouais. Si c'est un jeu d'écouter un album de Louis-Jean Cormier, par exemple... Ça, c'est rough. Là, mais c'est rough un peu. Non, mais... Je le ferais pareil. Très honnêtement... On comprend la regarde, question. Quel genre de jeu que j'aimerais pas jouer? Moi, je vais être très honnête avec vous autres, là. Les crises de jeux de simulateur d'hélicoptère. Tu sais qu'il y avait dans le temps le Choplifter. Ouais, ouais. Apache. Man. asti que je pognais les nerfs avec ça, puis c'était pas le fun. T'as dit Choplifter? Ben tout, ouais, il y en avait un. Choplifter, c'est pas un simulateur. Il y a Train Simulator, il y a Helicopter Simulator. Non, mais en fait, moi, c'est même pas l'aspect simulateur, c'est jeu d'hélicoptère. Jeu d'hélicoptère, juste ça. Okay, ouais. Tu sais, on s'entend, là, moi, j'étais le gars dans Battlefield, le Vietnam, là. Je chauffais le Jeep, puis il y avait une crise de raison pourquoi je chauffais le Jeep. Parce que tu voulais pas chauffer l'hélicoptère. Je t'ai embarqué une fois dans un hélicoptère, j'ai tué mon squadron au complet, puis ils m'ont kick-out du serveur. Ça vous donne une mise en scène. Fait que même pour 42 millions de dollars, là, je joue pas un fucking jeu d'hélicoptère. Je te crois pas, mais je comprends ton point. Vous autres? My God, j'aime tout. J'essaie de penser à ça en ce moment. Milter? Je te dirais juste les jeux qui sont abrutissants, là, tu sais, là, vraiment là, dumb. Là, genre, dans le fond, les jeux éducatifs. Tu sais, les jeux vraiment stupides. Genre, j'ai déjà exemple, c'était quoi, là, Mario dans le temps, mais Mario Around the World. Là, genre, moi, Mario in Time, Mario Looking for Luigi Around the World, là, ou de quoi, là. Hey, tu sais, tu fais la gaffe de louer ce petit jeu-là en pensant que t'es un Mario Bros, puis que finalement, c'est juste du texte qui parle de l'ancienne Italie, puis de... Man, c'est comme, je veux pas... Si je voulais apprendre, vraiment apprendre, là, je serais pas en train de vouloir m'asseoir devant un Super Nintendo là, dans le temps. Là, tu sais, là, c'est comme, j'aurais ouvert un livre ou quelque chose, tu sais. Mais, en même temps, il y a une façon... faire apprendre à du monde, là, tu sais, ou de quoi, là, si tu te fies, exemple, tu joues à Assassin's Creed, là, t'apprends sur l'époque, là, tu sais, puis des affaires de même un peu, puis l'architecture, comment que c'était, mais c'est pas aussi intense que ça, là, tu sais, ou des jeux comme Donkey Kong Math, là, gars, là, monter une petite corde pour pogner un 1, pogner un fois, pogner un 4 pour arriver à la réponse, gars, fuck off. Eric? C'est parce qu'il a dit le Mario in Time, puis j'étais comme, fuck, je m'avais vraiment amusé à ce jeu-là. Puis, j'étais... Ouh, ça, quel bout! Non, mais... Le bout mais que tu rentrais dans la porte, puis tu parlais de Léonard de Vinci. En fait, c'était plus le bout des scènes digitized, 16 bits, tout ce que tu voyais des places historiques. Le bout qu'il fallait que tu devines l'année, ouais. Qui te le disait pas nulle part dans le jeu, puis qu'Internet n'existait pas. Ouais, c'est des choses comme ça que j'aimais, moi, Mathieu. Fait qu'Éric... Je vais être honnête avec toi, je suis en train de creuser fort en ce moment. Je suis en train de penser comme... Parce que, mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi, il y a des jeux que je préfère, il y a des jeux que j'aime moins, mais je suis pas capable de dire un jeu que 42 millions me... Parce que c'est ça la manière qu'elle a formulé sa question en plus. Donc là. Rien. C'est ça. Mais merci. Rendu là, je jouerais à tout, moi aussi. Ouais. C'est juste, dès que c'est éducatif, je perds l'intérêt, on dirait. C'est comme non. Mais je t'entends, c'est parce que je suis sincèrement sans penser et j'en pense pas, sorry. Monsieur Kevin Amel Ramanjulu. Oh. Question pour plus pour Milter, oh. Mais... Ah, c'est ça l'affaire des kids, ça. Ouais. Comment faites-vous pour rentrer du temps de gaming sans délaisser du temps de couple et du temps pour avec les enfants? En tant que parent, il me semble qu'il ne reste plus beaucoup de temps dans une journée. En effet, il en reste plus beaucoup. C'est de profiter de chaque moment que t'as. Moi, l'avantage de ma Xbox One, c'est qu'elle est toujours ouverte, vu que ma TV est dessus. Fait que mes kids, c'est quoi qu'ils font le matin? Ils se lèvent, on leur met Disney Junior, ils écoutent son Mickey Mouse, mais dans le fond, ils écoutent sa Xbox. Fait qu'à un moment donné... aussitôt qu'il y a le dos tourné... Pas aussitôt qu'il y a le dos tourné, mais tu sais, tout de suite après un moment donné, c'est justement le côté pratique, puis ça mixe un peu avec l'autre question... Un moment donné, Mickey Mouse finit, mon gars il me regarde, il dit « Papa, je veux des épisodes de Sonic. » Mais ok, Xbox, go to Netflix, bang, Sonic il est là, select one, resume, pff, ça se fait tout seul, tu sais. C'est ça que tu considères jouer au Xbox? Non, mais, tu sais, c'est le côté pratique que je rajoute pour tantôt. Tu sais quand est-ce qu'il a pris ses achievements dans Netflix, lui? Ben ouais, mes kids, ils écoutent ça à tous les jours. Mais après, c'est ça, il arrive midi, après le petit dîner, là, ils s'en vont faire une sieste. Avec la vaseline. Non, ça c'était le matin. C'est une longue anecdote à raconter. De la vaseline, ça part très mal dans les cheveux d'enfant. Je dis ça de même. Mais quand ils vont faire le. Ils se sont vidés un pot de vaseline dans la tête, en gros, en deux frères ensemble qui se frottaient les cheveux de vaseline. Mais. Vraiment pas le fun à laver. Surtout pas ses murs. Mais en tout cas, gaming. Quand ils se couchent, ils font la sieste, ben j'en profite, c'est con à dire, mais je m'installe puis je joue une heure à deux heures, dépendant quand il y en a un qui va se lever, puis ils se couchent entre 7 et 8 d'habitude, dépendant quel. Fait qu'à 8, embarque sur l'Xbox tout de suite, ma blonde finit de travailler, elle arrive à 10. Tu sais, c'est vraiment de profiter de chaque moment que je peux. Fait que, puis ma blonde, des fois, elle est cool quand même. Là, fait que des fois, ça ne tente juste pas de me voir ou de faire de quoi avec moi. Fait que, dans le fond, au lieu de dire « ça me tente pas de faire de quoi avec toi », elle vient me dire « pour avoir de la gentille », c'est comme « ce soir, tu peux jouer au Xbox, tu peux prendre le temps ». Mais c'est tout le temps quand j'ai pas le goût de jouer, tu sais. Ouais, c'est tout le temps quand... C'est comme « ben là, t'es sûr, là, j'ai pas le goût vraiment », tu sais. Mais comme « non, tu peux jouer, puis toi, puis... » Valérie, elle s'en vient tantôt, fait que « ah, ok, fait que tu vas voir quelqu'un, fait que tu me dis « je joue au Xbox », tu sais. Que... Nous autres, on n'a pas de kid, par exemple, mais toi, en couple, ça... Mais moi, je suis assez chanceux dans ce département-là. Ma femme... Elle joue pas toutes les jeux. Elle joue plus que toi. Non, mais comme, tu sais, on joue des jeux ensemble. Il y a certains jeux qu'on joue. Mais quand ça vient à trouver le temps pour la fête des kids, là, j'en ai pas. Je pense pas que je vais en avoir. Puis la manière que je le vois, j'ai le temps en masse pour jouer les jeux vidéo que je veux. Puis je suis vraiment désolé que vous êtes en train d'aider à peupler la planète d'humains pendant ce temps-là. Toi pis ta blonde, vous avez jamais vraiment le même horaire. En fait, non, maintenant, on est pas mal correct. Okay. Je veux dire, si je finis à 5, on est ensemble. Ça arrive 3 fois par semaine. Si je off habituellement le dimanche, le lundi. Fait qu'on a toujours le lundi. Puis c'est plus une question de couple. Quand j'ai une journée off, ben, on fait une activité. Faut que je clock in le temps à faire une activité avec ma femme. Genre, aller prendre une marche, aller grimper une montagne, aller sortir. Tu priorises le temps de couple, mais... C'est ça, pour le temps de couple, mais je pense que gérer le temps de couple... C'est pas ça qui manque pour toi, de toute façon. Je me sens pas mal choyé quand je compare à des personnes avec des kids, là. Mais c'est moi qui se trompe ou je pense que jour 1 en relation, l'honnêteté... Là, ça sonne super cheesy, mais l'honnêteté envers son temps de gaming puis son temps de qualité est important. Voulant dire, si tu rencontres une fille... Puis, tu joues le rôle du gars que non, moi je joue pas à mes jeux vidéo. Puis, du temps tout seul, j'ai pas besoin de ça. Puis, viens-t'en, on va aller au restaurant. Viens-t'en, on va aller monter la montagne. Viens-t'en, on va aller à telle place. Viens-t'en, on va aller faire telle affaire. Viens-t'en. Puis, tu fais tout le temps de quoi. Puis, tu games jamais. Puis, un moment donné, tu fais comme gotcha, bitch. Puis là, tu fais comme ah, finalement, excuse-moi, je suis super gamer. Puis, je te game tout le temps en face. Il va y avoir des frictions. Je pense que moi, ça se dit tout simplement. Je l'ai dit direct au début. Ben, c'est comme tout aussi. C'est de l'honnêteté dans la vie. Quand t'es malhonnête dès le départ dans tout, monnaie, ça te revient dans la face. Là. Exactement. Fait que tu sais, dans le fond, regarde, moi que ma blonde, elle savait depuis le début, je suis gamer, puis tu sais, j'ai un podcast, puis ça fait de même avec vous autres. Puis je pense le temps, tout devient une question de savoir comment l'investir, justement. Puis il y a des journées que je vais faire de quoi avec ma blonde, puis c'est pas parce qu'elle est dans la pièce à côté puis elle peut m'entendre parler, mais des fois, c'est parce que ça me tente de le faire avec elle. Tu sais, on va avoir le temps. Des fois. Des fois, ça me tentera pas, mais je vais le faire pareil. Puis sais-tu quoi? Des fois, ça y tentera pas, puis elle va le faire pareil. Tu sais, on s'entend là, que le dimanche que j'ai joué à Evolve, là, puis qu'elle est venue me porter une bière pour mon sac de chips, là, ça devait pas être tenté de faire comme « Hey, je vais aller donner un sac de chips. » Elle l'a fait de bon cœur, puis ça y a tenté de faire le geste. Mais Chris, pendant ce temps-là, elle continue à ranger des affaires, puis tu te quittes. Puis oui, OK, moi, avant ça, par exemple, j'ai installé des pôles à rideaux, puis des affaires. Je pense que tout est une question de compromis puis d'honnêteté. Ouais. Si t'es honnête avec la personne, puis tu te quittes, puis que c'est important pour toi de jouer à tes jeux vidéo, ben, crime, tu peux en passer du temps à jouer à tes jeux vidéo. La seule affaire, c'est qu'il faut savoir doser dans la vie. Parce que si ça devient juste de l'égoïsme... Comme tout, c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, moi j'ai pas de kids présentement, mais j'imagine que quand je vais avoir des kids, ben ça va être encore dans mon temps de gaming que je vais retrancher, mais d'un autre côté, ma blonde va retrancher dans d'autres aspects de sa vie elle avec. C'est de l'altruisme, c'est chaque personne va faire des concessions pour s'adapter, donc tu sais, ça se fait naturel, puis c'est à nous autres de voir comment on fait notre temps, mais l'important, je pense, c'est l'honnêteté à la base, envers soi-même, puis envers sa tendre moitié. C'est juste de dire, regarde, écoute, justement, ben moi, une de mes passions, c'est le gaming, puis j'ai besoin de jouer une fois de temps en temps. Puis après ça, tout va bien, il me semble. Puis pour les kids, moi, personnellement, je joue avec eux autres aussi, comme certains. J'ai Mario Kart, là, on joue. Les deux plus vieux, ils jouent avec moi en même temps, là, tu sais. Puis c'est eux autres qui veulent jouer, dans le fond, fait que moi, ça me dérange pas. Je prends du temps de gaming avec eux autres. Puis il y a aussi d'autres façons de voir ça. Un de mes gars, il y a 4 ans, il commence à découvrir plus le gaming, puis il trip Plants vs. Zombies. Il farm sur ma game pour moi des coins, puis c'est pas le meilleur, OK? C'est pas lui qui va me monter des statistiques incroyables, mais il me ramasse de l'argent, puis lui, dans le, pour lui, c'est le fun au bout. Il joue un jeu. Puis moi, ben, quand j'arrive à jouer à ma game, j'ai plein de cash. Puis j'achète plein d'affaires. Fait que, c'est gestion de temps. Puis tu peux même en faire avec tes kits, d'après moi. Fait que... Eric, est-ce que tu avais des questions pour nous? Moi, j'ai une question qui m'avait marqué. J'en ai peut-être d'autres si on s'y rend. Là, mais il y a Dominique Garand qui a posé une belle question. Ça, c'est l'animateur du podcast L'Aube frontale, que je sais pas, vous allez sûrement entendre dans les semaines à venir, mais je vais être avec lui, parler de cellulaire, dans les hôpitaux, des choses comme ça. Puis il est super cool en passant. Écoutez L'Aube frontale, hein, je veux dire, j'écoute des podcasts québécois beaucoup. Ça, c'en est un que j'écoute assez régulièrement, puis c'est vraiment cool. Membre de RZO, justement. Mais en tout cas, sa question était, va falloir vous m'aider pour le premier personnage, parce que je suis pas trop sûr c'est qui. Mais il a dit Appa versus Falcor, qui gagne? Falcor, je sais c'est qui. Appa, c'est pas le genre de grand... La grande bébête dans Avatar The Last Airbender. Oui, c'est exactement ça. C'est Appa, dans le fond, là, la oui, grande... Oui, il a 6 pattes, il est blanc, des cornes, une selle, puis il vole. Puis Falcor, c'est le genre de dragon chien volant avec des bulles sur le dos qui se font péter par le dude dans The Neverending Story, là. Puis la question, c'est quoi? C'est qui gagne dans un combat? Écoute, honnêtement, regarde, j'ai vu une vidéo, puis c'est un peu ironique que tu parles de ça, parce que j'ai vu une vidéo de Falcor un matin sur YouTube. Désolé, je pense que c'est moi, ça. La vidéo de Falcor Likes Children. C'est moi, ça, André. C'est toi, dis-le. Tu sais, t'as vraiment Bastien qui, un matin, tu sais, t'as Atreyu qui est là avec Falcor, puis il dit... Hey, gratte-moi en arrière de l'oreille. Mais c'est monté. Gratte-moi. Oh, gratte-moi en arrière de l'oreille. J'aime les enfants. Puis t'as juste Bastien qui pogne le livre de l'histoire sans fin, puis il calisse au bout de ses bras en faisant comme... Oui, that's that, wrong. They went too far. They went too far, tu sais. Puis Appa, ben Falcor crisserait une volée à Appa juste pour la simple raison qu'il peut parler, puis qu'il est evil, ce gars-là, man. Appa, il est evil, c'est ça? Non, Falcor. Falcor, il est pas evil. Falcor, il est evil. Il est louche en maudit, en tout cas. Donc, t'es un chien dragon, là. Puis tu voles. Puis tu voles. Tu parles, puis tu voles. Mais en même temps, t'es un genre de gros animatronic weird qui a de la misère à bouger sa tête. Justement. Encore plus louche. Justement, c'est encore plus creepy, là. Juste ça, même s'il pourrait gagner, je vais voter pour l'autre qui sac une volée. Mais Appa se bat pas. Appa, il vole, puis il dit rien. Ouais, mais s'il vole assez haut pour arrêter de voler puis se laisser tomber sur l'autre. Appa, c'est l'équivalent des chars en nuages d'un bisounours. Il y a autant de pertinence dans l'histoire. Ouais, mais d'abord, techniquement, c'est peut-être plus qui gagne dans une course. Ben, c'est à Falcor. Falcor est rapide encore. Ouais, il vole en plus. Là. Ben, Appa, il vole aussi. Les deux volent. Moi, c'est je comme connais un pas nuage qui vole puis l'autre, c'est un chien qui vole. C'est quelqu'un qui a 25 cents? Ça se règle comme ça. Ben non, mais on le règle comment sinon? Hey, d'après moi, ça dépend qui chauffe. Ben, gars, ça. Oui, c'est un ça vient jouer. Atreyu, t'as dit ben, Jacques Villeneuve assis sur le chien? Ben, c'était Jacques Villeneuve, tu t'en vas pas. Ben, je Atreyu versus Hank, c'est-tu le personnage dans Last Airbender? Je pense que la vraie question là-dedans, c'est entre Jacques Villeneuve puis Falcor, qui vend plus d'albums? Falcor. Wow. Excuse-nous, Dom. Mais je sais pas. Ok, gars, moi, Falcor, fuck it. Le Falcor est bien plus vieux, il a bien plus de wisdom. Mais c'est un peu ça l'autre question aussi. C'est qu'est-ce qui est plus hot, Neverending Story ou Last Airbender? Last Airbender. Last Airbender. Ça, je suis pas d'accord. Même pas. Tellement, non. Sans même. J'y pense même pas. Hein. J'ai même pas besoin de me poser la question, puis Last Airbender est meilleur. Seule affaire de bon que, d'après moi, est sorti de Neverending Story, c'est le nom à Trio qui a été donné à un band metal qui a eu une toune ou deux popées. À part ça, nothing. Ouais, j'avoue, eux autres. C'est le drummer qui chante en plus en jouant du drum. En clean. Le chanteur, ouais, ouais, il scream, le puis le drummer, il fait le clean. Le clean, là, ouais. C'était quoi? C'était Right Side of the Bed qui avait fait eux autres. Je sais pas. Qui avait Suicide Keys and Butterfly Kisses. Ouais, c'est ce qu'on a dit, là. Ouais. En tout cas. Moi, j'ai une question de JB Gagné oh. qui nous demande, question pour le AMA dirigé à Milter, le souverain du web. Oh, ouais. C'est bon, OK? Pourquoi le là. Web est envahi par les chats? NB, je hais les chats. D'après moi, c'est parce que tout le monde aime les chats, à part toi, JB. Mais non, mais pour de vrai, c'est parce que, d'après moi, c'est la culture Internet est souvent reliée à du monde qui sont culturellement et stéréotypement enfermés chez eux dans une salle sombre, pas de rideaux. Et ces gens-là ne sortent pas dehors pour donner des marches à des animaux comme des chiens qui ont besoin de sortir et de faire d'exercice. Et donc, préfèrent la compagnie de chats. Moi, je te pose ça plus loin. Le monde sur Internet agisse comme des chats. C'est tout des cristis d'égoïstes, de fans visage de visage à deux faces. Qui te font juste te parler quand ils veulent que t'es flat pis que t'es nourrice. Sauf sinon, nous. Sinon, ils sacent de toi. Sauf nous, au Geek Collectif. Non, nous, on est des chiens. Moi, j'aime pas les chiens. On laisse notre poil partout pis on bave. Mais non, personnellement, je pense que c'est pour ça, moi, le côté culture, chat, là, Internet, chat. Éric, as-tu une question rafale pour nous? Francis Brousseau qui dit « On dirait que c'est écrit Amos dans le logo de hashtag AMA. » Donc, je vais répéter. As-tu une question pour nous et non une affirmation? Mais non, mais c'est parce que il disait ça. Il y avait un point d'interrogation à la fin. Ah, mais, OK. Mais moi, j'ai spécifié avec lui que si je comprenais bien sa question, parce qu'on voulait savoir c'était quoi les questions, ça se peut-tu que c'est à cause que tu veux juste voir Amos partout, puis peut-être que tu devrais faire ça vérifier? Moi, je pense lui... qu'il veut notre opinion dans le conflit israélo-israélo. Lui, ensuite, il a dit qu'il voit pas Amos écrit partout. Puis moi, j'ai dit Rorschach test. Puis c'est ça. Rorschach test. Anyways, oublie Rorschach, ça. Rorschach, la toune des B-52. V'là la question, Raphaël. Mais j'ai une bonne question de Jasmin Duclos B. OK, oui. Qui est je pense qu'il écoute le podcast, puis il est dessus nos j'espère, sinon il nos pose sites des questions, de notre page de Geek Collectif, etc. C'est quelle est votre recette de barbecue fétiche? Oh shit, Milter. Parce qu'on avait un peu parlé il y a deux épisodes qu'on faisait un barbecue, mais... Je te dirais. On a parlé. La sauce. Moi. Ben ouais, on a parlé avec les ribs, là. Justement. Moi, c'est justement ouais, ça que je m'en ai dit. C'est vrai. C'est ribs sur le barbecue. Avec la sauce que ma femme fait, là. Je sais même pas c'est quoi, avec des oignons caramélisés dedans, pis tout. Tu viens me chercher en tabarouette, là. C'est pas mal le meilleur que je peux faire sur le barbecue. Puis étrangement, c'est con à dire, mais je suis pas un gros fan de saucisse. Mais saucisse sur le barbecue. J'aime ça, Chris. Puis je sais pas c'est quoi qu'il rajoute de plus, mais... On vous invite à couper le MP3 à peu près 15 secondes. Puis juste vous amuser sur Internet avec ça. Arrêtez. Ensuite, envoyez un message à Eric sur Facebook, puis on va aller plus loin avec cela, avec des photos. Mais, OK, ben, regarde, recette de barbecue préférée. Fétiche. Oh, fétiche, OK, c'est pendant que je me fais fouetter avec des petites trappes de cuir en même temps que j'ai fait. Ben écoute, moi je porte pas de cuir quand je fais du charcoal. 50 shades of charcoal. Premièrement, c'est parce que c'est comme... La partie entre l'anus et la poche, sue. Le spa. Fait que le spa. Ben ouais, c'est pas l'anus, pas la poche, c'est le... Oh, wow! C'est de même que ça s'appelle. Bon, on vient de mériter notre quota d'adulte uniquement. Non, mais, gars, recette de barbecue fétiche, je sais dessus, moi, gars. Je fais un méchant bon smokehouse barbecue poulet. Sur la canne? Bon poulet. Non, même pas le poulet, ça, pas un coq laurentien, Eric. Le coq laurentien est une recette traditionnelle québécoise. Mais, non, moi, je fais c'est un coq Budweiser, barbecue. Là. Ben, Budweiser, Laurent. Ça peut être un coq Black Label aussi, tu sais, tout dépendant de si t'es au début du mois ou à la fin. Un black coq, oh! Pour lequel j'ai dit canne de bière au début, mais on n'embarque pas là-dedans. Non, mais honnêtement, regarde, du poulet barbecue, smokehouse, là. Moi, je vais le dire tout de suite, je suis un gars de steak, puis les bavettes, j'aime faire des marinades de bavettes, puis cuire une bonne bavette. Elle était excellente, celle que t'as faite là-dedans. Ouais, ça va être, j'ai un peu overcooked, là, mais ça l'arrive des fois. Question rapide de Freak Stewart. Oh! Avec deux cas. Oui, c'est important. Est-il possible de passer le level hack les bateaux en feu dans Mario 3? Oui. Ouais, ouais. Ouais, il me semble que oui. Hein. Ouais. Il n'y a pas un vol, là, tu peux voler par-dessus. Tu prends un P pour voler si tu es capable. Plusieurs chemins mènent à la fin du tableau. Même, je pense que c'est celui-là que tu peux même aller en dessous dans l'eau puis nager en dessous du bateau tout là. Comme je te dis, tu sais. Ben, en gros, oui, tu peux. Oui, tu peux. Freak, en passant, excellent graphiste incroyable qui fait plein de pochettes d'artistes québécois hip-hop que tu le sais même pas puis c'est lui qui est fait. Ben, effectivement, parce que je suis pas très connaissant. C'est ça. Je dis tu le sais même pas, mais c'est lui. Joaillier, ça se qualifie-tu en artiste hip-hop québécoise? Non. Non? OK. Prochaine question, Eric, as-tu quelque chose d'autre pour nous? Je pense que j'en ai une dernière que je vais poser ici. C'est juste, on reste avec Jasmin Duclos parce qu'il avait posé une coupe, mais il y en a une que je trouvais qui était bien parce que ce serait peut-être bon pour Milter, ça ici. C'est à partir de quel âge vos enfants devraient avoir débuté jeu sur console? Puis je pense que c'est une question en deux parties. Est-ce que l'évolution pour le gaming pour un enfant serait de débuter par du mobile 3 à 5, Nintendo 5 à 14, Xbox Sony 15 et plus? Moi, je vais juste répondre vite fait. Je pense pas que ça devrait se séparer comme ça par âge pour les consoles, peut-être pour les types de jeux, là. Mais tu comprends-tu un peu la... Je comprends ce qu'il veut dire. Moi, mon gars, il a 4 ans, puis il joue à Xbox One, puis il a une DS. Fait que... Je sais pas où ce que je peux aller avec ça. C'est peut-être moi qui est pas normal. Mais... Il joue à Plants vs. Zombies, qu'on s'entend que c'est comme Battlefield, Call of Duty. Il a 4 ans. C'est pas le meilleur du team. Sauf qu'il se fait du fun. Il se promène dans un univers 3D. Il apprend ça, il se fait tuer nowhere des fois, comme il fait comme « Oh, allô la plante », il parle à la plante qui s'en vient vers lui en tirant dessus comme un débile, mais il catch pas, puis il joue, puis d'après moi, dans 2-3 ans, il va catch à tabarouette, puis il va avoir 7 ans, puis ça va être le genre de petit kid qui va vraiment scraper des games à des adultes qui essayent d'être bons à des jeux de même. Mais rendu là, gars, il essaie de jouer à Mario Bros, il a de la misère un peu, parce qu'il ne catch pas des concepts comme tenir un piton pour courir avant de sauter, pogner un élan, tu sais, des affaires de même. Mais je pense que c'est le genre d'affaires que plus tu commences jeune, plus qu'il va être meilleur, puis plus qu'il va comprendre rapidement, puis qu'il va torcher dans les jeux, sans non plus aller sacrer Call of Duty dans les mains quand il a 4 ans, parce que ça a juste aucun sens, il comprendra pas, puis il se fera pas de fun non plus. Fait que c'est pas... Mais je pense aussi le séparer comme mobile étant une affaire de âge. Je pense il y a beaucoup que... de jeux d'enfants sur console portable. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est une bonne porte d'entrée. Les jeux sont un peu plus... c'est un jeu de film là, qui va attirer ton enfant, là, mais c'est con à dire, mais il est toujours meilleur sur la 3DS que sur la... La Wii, genre, la version mobile est tout le temps comme un peu meilleure parce que c'est un jeu comme poche, mais c'est un jeu qui attire beaucoup les enfants, les jeux de film. Fait que tu sais, ça l'ouvre des portes. Mon gars, il maîtrise un iPad comme ça se peut pas. Il fait des affaires avec que j'ai aucune idée comment il est fait. Fait que tu sais, c'est plus, d'après moi, plus vite tu commences, puis peu importe quoi, ça va juste dépendre du jeu que tu y mets en face. Puis, Moi, ce que je vous propose. Comme dernier segment, on va faire une fleur à un de nos auditeurs très fidèles. Monsieur Pierre Lessec. Oh! Pierre Lessec qui est avec nous depuis pas très longtemps, mais par contre, il a écouté pas mal tous les épisodes. Puis... Je pense qu'il a fait le back catalogue 2 ou 3 fois. Lui, il s'est claqué vraiment à chaque épisode, puis on va le remercier ce soir d'une façon qu'il va peut-être trouver cool, puis peut-être que non, mais écoute, on a trouvé ça. Il nous a rédigé une panoplie de questions pour le AMA, puis... André a décidé de chanter sur le ton de... On va partir un beat et André va freestyler de manière hip-hop les questions de Pierre Lessec. Vous avez jamais vu la scène dans Brain Scan quand la tête du gars éclate, hein? Mais, première question. Quand est-ce que vous allez faire un crossover avec un autre podcast, 3 bières, commission des geekers? Les geekers. On l'a déjà fait, les geekers. Comme ça, les geekers, on l'a déjà fait. Avec Israël. Avec Israël. Il manque les restes d'équipe. Je pense qu'il veut les autres. Mais aussi, il veut les autres. Ben, écoute, très honnêtement, avec l'arrivée dans RZO, ben, il y a quelque chose déjà qui se travaille qu'on peut pas dévoiler au grand public encore, mais je pense que tu vas être content dans les mois à venir de voir l'évolution du projet. Puis 3 bières, on a fait une couple de collaboration. Ben, on a eu Yannick pour Tribute, mais on va sûrement faire d'autres choses, je pense, 3 bières, mais... Je pense que Pierre, par exemple, qu'est-ce qu'il veut, ça serait qu'on invite 3 bières pour hijacker leur concept, comme on a fait avec Israël quand il est venu, dans le fond, des geekers. Ben ça, je pense que la gang de 3 bières sera à l'aise qu'on le dévoile, mais c'est déjà négocié, c'est juste une question de temps, mais effectivement, il va y avoir un épisode du collectif intitulé « Une coupe de bière » ou « Plus que 3 bières ». Puis on va faire ce crossover-là. Ça s'en vient, c'est sûr et certain. c'est plus qu'on est, je pense, plus que c'est difficile à gérer les horaires de tout le monde aussi. Fait que... Les prochaines questions. Avez-vous des invités de booker pour les prochains épisodes? Ouais. Ça se négocie toujours. Ça se négocie souvent d'avance. On essaie d'avoir des gens. On est en train de parler avec certaines personnalités. Y a-tu du monde que même si c'est pas sûr, tu penses qu'on peut le nommer, qu'on est en train de travailler pour? Je pense pas qu'André va être déçu qu'on dise un nom. Mon professionnalisme et mon souci du détail m'empêchent d'être aussi transparent avec les gens. J'aime mieux qu'on surprenne les gens. Tu sais, en anglais, ils disent « under promise, over deliver ». Ben, on va promettre moins, mais on va livrer plus la marchandise. Moi, je pense que c'est une bonne affaire dans un sens. Fait que Gérard, le quêteux, sur le coin de Pineuf puis Ontario... Il est peut-être un des prochains invités, on ne sait pas encore. Moi, je pense qu'on va surprendre certaines personnes avec des invités qui vont arriver, puis j'ai bien hâte de les rencontrer. Fait que oui, effectivement, il y a des invités qui s'en viennent, mais malheureusement, on va faire nos agaces un peu ce soir. On ne parlera pas de personne. On n'appelle pas. Hey boy, OK. André, comment te sens-tu d'avoir déjà travaillé chez Guzzo? Bien à l'aise avec ça? J'ai vu que Pierre avait écrit une annexe à cette question. En fait, ma question sur le cinéma Guzzo est une tentative pour vous faire déraper vers les histoires louches de projectionnistes. Fait qu'en gros, il veut que tu y comptes un moment malaisant d'être projectionniste, je pense. OK, un moment malaisant d'être projectionniste. Il y a une affaire, par contre, que je peux être honnête, puis que je file un peu cheap, parce que le métier de projectionniste, avec l'arrivée du digital, ça fait partie des métiers qui vont probablement disparaître éventuellement. Ça a déjà commencé, tout est informatisé, les choses comme ça. Puis je trouve que c'est un beau métier, puis je trouve ça triste. Puis j'essaie de faire vite, parce que je veux pas qu'on boycotte d'autres questions ou rien. Quand j'ai fait Star Wars de... C'était Star Wars The Phantom Menace que j'avais commencé dans le fond. J'ai été placé, puis ensuite, à peu près dans les mêmes mois, je suis tombé projectionniste. Puis j'ai appris à travailler avec un système qui appelle des yo-yo dans le fond. Un yo-yo, c'est que, avec une pellicule 35 mm, t'assemblais ta pellicule, ta bobine, puis t'avais des plateaux dans le fond, le système qu'on travaillait nous autres. Donc, t'avais un plateau qui téléverse le film, puis qui passe dans le projecteur, puis après ça, qui le rembobine. Le yo-yo, ce qu'on faisait, c'est que, mettons, t'avais une salle qui partait à 7h05. Une salle qui partait à 7h10, mais qu'en réalité, c'était 7h07. Puis une autre salle qui partait à 7h15, mais qu'en réalité, c'était comme 7h10 ou quelque chose de même. Fait qu'avec une pellicule, tu faisais trois salles. Ça, c'était une expérience très louche puis très undercover parce que... Mais t'as une licence qui est payée par... Par bobine. Par bobine, non? C'est ça. Toi, tu payes par bobine. Tu payes pas par salle. Mais avec ta bobine, c'est intelligent, comme qu'on avait réussi à faire. C'est qu'on faisait une projection en trois salles avec une seule bobine. Fait que dans le fond, quasi simultané. Fait que tu pouvais, au lieu d'avoir juste une salle de 400 personnes, ben tu pouvais avoir une salle de 400 personnes puis deux salles de 300 personnes pour le même film, sans être obligé d'acheter ou louer une bobine additionnelle. Fait que ça a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie, mais la plus cool aussi en même temps parce que Il y a un système qu'on appelait ça un wrap-around dans le fond. C'est que la bobine se déverse sur le plateau, puis ça pouvait faire de l'électricité statique. Fait qu'à ce moment-là, la pellicule pouvait s'enrouler autour du cœur qui envoie la pellicule vers le projecteur, puis il appelait ça un wrap-around. Fait que ça, dans le fond, un bon vieux truc de projectionniste, c'est que tu te tenais à côté avec des cacanes de finesse, puis tu shootais du finesse pour lousser un peu le stock, puis enlever l'électricité statique. Sauf que. De sentir bon, là. Si le wraparound arrive dans une salle, tu scrapes pas l'expérience du film pour 400 personnes, t'as scrap pour 1000 personnes. Parce que t'as deux autres salles, t'es obligé d'arrêter ça sur le warning. Et là, d'où ma crainte, je vous explique un peu. Quand il y avait un problème de pellicule comme ça, t'as deux lentilles sur un projecteur dans le temps, t'avais la scope puis la flat. La scope, c'était le genre de widescreen. La flat, c'était un format 4.3. Puis là, t'avais les plates, les affaires de même. Mais quand il y avait un problème... Puis quand t'étais projectionniste, puis moi j'étais tout seul au Guzzo, j'avais 16 salles. Puis souvent t'es dans salle 7, puis à l'opposé à la salle 16, tu te fais coller wrap around salle 16. Ça veut dire la pellicule s'est embobinée autour du cœur, à figer là, puis c'est ça qui fait que, pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous êtes dans la salle, puis vous voyez le film brûler à l'écran. Ça, j'ai déjà vu, ouais. Ça, c'est une des expériences les plus traumatisantes pour un projectionniste, parce que on a un délai d'environ une minute pour réagir. Voulant dire, il faut t'arriver au projecteur, puis faut que tu fermes la lampe, parce que si tu fermes pas ta lampe, ben la lampe va faire fondre la pellicule. Ensuite, la tension fait ça, puis ça snap, puis là, ça peut abîmer des affaires, puis ton film peut voler n'importe où. Ensuite, la chaleur de la lampe peut faire craquer la lentille, puis là, t'es fait, tu perds ta salle pour la soirée. Fait que ça, je travaillais avec les yo-yos, c'est une des histoires que je peux partager avec vous ce soir, qui étaient les plus traumatisantes de mon histoire en tant que projectionniste, honnêtement. Là, ça, c'était... C'est pas une freaky, c'est pas une affaire comme le gars qui se crossait pendant Caligula. Moi, c'était mais... ça que je m'en allais te demander. Du haut de ta petite salle de projectionniste, là, tu voyais-tu comme faux qu'est-ce que le monde faisait dans la salle? Oui. Puis les petits coupes, là, avec les trucs de trous dans le sac de popcorn. Là, puis les, en les... fait, il y a des gens pires que ça. Je vous donne un exemple, puis ça va être ma dernière histoire là-dessus pour ce soir. Pendant le film Elisabeth, okay, qui était ouais, sur l'histoire de la reine Elisabeth, wow, à ce moment-là, moi, du haut de la projection, je vois une fille qui a remonté à la jupe, pincé le monsieur, puis elle se fait aller. Fait que, elle peut m'amener dans leur zéba, ils tombent entre les rangées, des affaires de même. Puis, je dis au placier, je dis, hey, rentre dans la salle 12, live là, l'infâme salle 12. Il y a de quoi qui se passe, va les arrêter, c'est un peu indécent pareil. Là. Mais il y avait d'autres mondes. Ben, il y avait un autre couple en avant, mais je pense que c'était deux couples. Okay, wow. On va aller fourrer au cinéma ensemble, parce que c'est ce que tu fais un mercredi soir. Ben ouais, dans Elisabeth c'est surtout. C'est ça, dans Elisabeth, tu sais. Puis tu sais, tu rentres dans la salle, puis là, l'autre, « Ah, oh, excuse, j'avais échappé ma bague, il m'aidait à la trouver, puis en réalité, j'ai glissé, puis il s'est inséré dans moi. » Mais tu sais, des affaires de projectionniste, t'envoies des affaires freaky, c'est sûr et certain. J'ai un paquet d'histoires random. J'en ai des histoires plus plates que d'autres. Mais tu sais, j'ai vécu les belles années de projectionniste où, tu sais, Fight Club, j'avais même pas l'âge d'écouter le film, puis je l'ai projeté. Puis ouais. C'était juste cool. Mais tu sais, mémorable, là, honnêtement, c'était ça. C'était les yo-yo puis The Phantom Menace. Que, asti, je voulais broyer ma vie, parce que j'avais peur. Puis s'il arrivait de quoi, j'étais fait. Là. J'étais vraiment c'était fait. C'était le stress tout le long que t'écoutes le film. T'sais, tu courais partout, puis le pire, c'est que l'uniforme chez Guzzo, là, j'avais une chemise, ouais, une cravate, puis un débardeur. Puis on s'entend que dans la projection, il n'y a pas l'air climatisé, puis t'as toutes des lampes au xénon, à peu près grosses comme une pastèque qui te chaude ça. Là. C'était rough. Prochaine question, Eric, comment on se sent lorsqu'on est un fanboy? Ben, c'est le fun, en fait. Oh. Jouer le rôle du fanboy, c'est toujours le fun, juste surtout pour inciter les réactions. Moi, je peux dire que j'ai combattu les fanboys sur l'Internet depuis que Pierre, je pense qu'il était tout jeune, je peux te le promettre. De se battre contre des fanboys en 99, quand ils annoncent le PlayStation 2, des conneries comme ça. Je sais pas comment ça sent être un fanboy, parce que j'ai arrêté quand j'avais... Je pense que c'est quand j'ai été fanboy du TurboGrafx-16, puis j'ai réalisé que j'avais choisi la mauvaise équipe. Puis que tous les jeux qui étaient super hot sortaient sur toutes les autres consoles, excepté pour ma console que je disais qui était tellement meilleure que les autres. J'ai appris à un jeune âge que c'est pas le fun. Puis depuis ce temps-là, j'aime essayer de combattre ça en le satirant. En faisant la satire avec les gens comme ça. Je sais que des gens se demandent si c'est vrai, si on est fan. Moi, je sais que Milton, il sait que je suis pas fanboy. André, peut-être, sans doute, des fois. Mais une chose est certaine, quand je fais le rôle de fanboy en ligne ou dans des forums N4G, j'ai carrément, là, un jour, là, si tu veux rire, Pierre, ça va me faire plaisir. J'ai une trentaine de pages de messages personnels sur N4G. Check c'est quoi N4G. Mais j'ai des menaces de mort, j'ai du monde qui ont trouvé mon adresse à des moments, menaçant de venir voir au travail pour me battre, tout à cause que je leur pointais du doigt, puis je riais d'eux autres, puis je faisais tout le monde rire de eux. Ça m'est arrivé il y a deux semaines, mais je riais encore plus quand il y a juste sorti des vieilles adresses où que j'habitais plus. Okay, ben tout ça pour dire que le fanboy, c'est un phénomène qui est minime, c'est vraiment une petite population, mais qui a une grosse voix. Puis j'ai pas senti qu'est-ce que c'était ça depuis que je suis un enfant. Puis ça fait juste me penser, tu sais, à une joke que j'aime, puis tu sais, PlayStation fanboy and Sony fanboy and Microsoft fanboy walk into a bar. The bartender says, "Get out of here, you're underage." Tu comprends l'anglais, tu comprends ma joke, mais ouais, comment ça sent être fanboy? Ben, si t'as pas de poils, ça graine encore, puis tu te demandes si tu vas faire mettre un jour. Moi, comment qu'un fanboy se sent, là? Moi, je dirais qu'il se sent comme quelqu'un qui vient de faire beaucoup trop de cocaïne. Il se sent invincible, il se sent certain de lui, sans, il est sûr que la science infuse la réponse à tout et qu'il est le meilleur puis qu'il peut tout faire, mais attendre demi-heure puis chaudit deux trois arguments en face une fois qu'il est essoufflé, il va prendre son ben, trou. Je vais même aller un peu plus loin, puis André le sait parce qu'il a travaillé dans le milieu un peu comme moi en service à clientèle dans des magasins de jeux vidéo. Pas un peu. Mais tu sais quoi je parle. Tu peux les spotter quand ils t'arrivent en flèche dans ta face. Puis tu vois leur comme puis quand ils ont pas deux minutes pour rédiger une réponse en arrière du sol dans leur chambre, ils ont jamais de réponse anyways. Puis c'est très drôle de voir en vraie vie, hein, mais moi personnellement du côté opposé de vous autres qui a pas travaillé dans le service à la clientèle du jeu vidéo mais qui a travaillé dans bien d'autres affaires, ce que je détestais le plus c'est de voir un fanboy évident derrière le comptoir. Ouais. Comme aller quand il venait de faire l'annonce de console PS4 et Xbox One au c'était E3 ou l'autre affaire qui était pas l'E3 là, que je me souviens plus là, le TV Everywhere là, pis tout le monde capotait. Mais j'étais allé au Future Shop faire mon troll parce que dans la vie je suis un troll de gens de service à la clientèle parce que généralement je connais mon produit, je sais exactement ce que je vais acheter probablement plus que la personne qui est là pour me le vendre. Mais je pose des questions pareilles juste pour qu'ils me disent les bonnes affaires puis voir qu'il me dit des fois de la bullshit puis que je fais comme moi, ouais, je le sais que c'est pas ça ou quelque chose de même. Et je suis carrément arrivé pour réserver une Xbox One et le gars faisait tout pour me dire que c'était de la merde. Le gars du Future Shop, là, bien sûr, en plus. Il devrait juste faire sa langue. Le gars qui devrait prendre mon nom, prendre le 50$ et fermer sa gueule. Il faisait tout à place pour essayer de me faire changer ma réservation pour une PS4. Puis, Maître Franck, vous, je l'ai même pas acheté là. De toute façon, je l'ai acheté dans un microplay comme je fais avec pas mal toutes mes affaires. Là. Mais c'était juste plate de voir un service de même que le gars voulait me vendre ça. Comme si j'étais le pire des imbéciles. Puis j'avoue, moi, c'est facile. J'arrive tout le temps avec un air de douteux de gars à moitié gelé, on va dire. Là, je fais mon look bizarre. Là, puis je fais comme, mon gars, il voulait ça, genre. Non. Mais c'est clairement pour moi. Puis je sais exactement de quoi je parle. Fait que c'est drôle. J'aime ça quand on fait des AMAD même parce que ça me donne la chance de savoir, premièrement, qu'est-ce que le monde se pose comme question. Deuxièmement, ça nous donne la chance aussi de se rapprocher du monde un peu, tu sais, on jase avec eux autres indirectement. Puis c'est des sujets qu'on aurait peut-être pas assez de contenu pour faire 1h30 d'épisode, mais qu'on est capable de passer un bon 15-20 minutes dessus. Puis c'est des affaires intéressantes à discuter d'après moi aussi, en général. Effectivement, puis honnêtement, j'adore toujours ce genre d'épisode-là. C'est pas la formule standard pour le collectif, mais c'est quand même la troisième expérience qu'on répète avec ça. Merci aux gens qui nous ont envoyé des questions. Pour les gens qui en ont envoyé puis qu'on n'a pas eu le temps de répondre, ben vous restez dans le pot. Là, c'est sûr et certain que pour les prochains amas qu'on va faire, ben vos questions sont déjà dedans aussi également. Donc vous allez avoir la chance d'avoir la réponse ou la malchance d'avoir notre réponse aussi également, dépendant. Mais merci d'avoir partagé avec nous autres. Moi, mon nom, c'est André Paquette. J'anime le collectif depuis 2 ans. Donc, vous pouvez me rejoindre sur Twitter au @uzumakiqc. Sinon, sur Facebook, André Paquette. Sinon, ben Steam, Xbox Live, PSN, etc. UzumakiQC également. Milton, les gens qui veulent interagir avec toi? Moi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter à @zombiemilter et Milter187 sur Instagram. Si vous tripez ces comics seulement, parce que c'est quasiment rien que ça que je poste, là, fait que allez-y juste dans ce cas-là. Et sinon, encore Milter187 sur toutes les consoles possibles, Steam, Xbox, Xbox 360, Xbox One, PS4, name it, c'est ça le nom. Eric? Montréalien sur pas mal tout, là, si tu me googles... Je vais sûrement apparaître là-dedans dans ou mes si comptes. Tu joues là. À Ingress contre Eric. Ouais. Ils vont pouvoir le spotter. Tu m'as spoté déjà. Je sais t'es qui. Je t'ai vu du derrière. I know who you are. Puis merci d'avoir také over toute la place Versailles avec tes chums Enlightened. Allez, tout chier. Puis c'est ça. C'est Montréalien. Donc, on est de retour dans 2 semaines avec un prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Oui.